meilleurs moments de l'émission de Vince. Ça démarre dans un instant avec Vince en personne qui est là. Quant à moi, je vous retrouve eh bien lundi pour la dernière de 2018. Bon week-end, ciao. Très vite. La playlist énergie. C'est le retour de la playlist énergie. Ceci est un message d'urgence publique à l'attention de tous les auditeurs d'Énergie. Le programme qui va suivre peut s'avérer dangereux pour votre santé mentale. Nous déclinons toute responsabilité sur les dommages causés à votre cerveau. Nous déconseillons aux enfants d'écouter cette émission. Mais vous pouvez nous écouter en cachette de vos parents. Vous êtes des centaines de milliers à le faire. Nous déconseillons aux adolescents d'écouter cette émission. Sauf s'ils veulent entendre des histoires coquines et gagner des cadeaux, car leurs parents sont radins, ou que vous avez la flemme d'aller vous trouver un job étudiant. Nous déconseillons aux parents d'écouter cette émission, car vous pouvez griller vos enfants parler de vous à l'antenne. Non, je ne crois pas, non. Nous déconseillons à la police d'écouter cette émission, car vous vous sentirez obligé d'intervenir dans les locaux d'Énergie pour arrêter cette équipe de déjantés. Nous déconseillons aux patrons d'Énergie de nous écouter, car ils n'ont pas signé pour une émission qui ne finit jamais à l'heure. Nous déconseillons au CSA de nous écouter, car ils vont se marrer. Nous conseillons aux pompiers d'intervenir, car Vince et toute sa team vont mettre le feu ce soir. 21h minuit, du lundi au vendredi. Vince sur NRJ. Vince est dans la maison. Bienvenue sur NRJ tout le monde. Il est 21h, l'heure de retrouver de nouveau les conneries. Ouais, l'heure de retrouver les délires. Et en sachant comme c'est les meilleurs moments de l'émission que je vous passe là, étant donné que mon équipe est en vacances, oui, je leur octroie des vacances de préférence. Eh ben, il est évident que les meilleurs moments que je vous passe, ce sont des moments délirants. D'habitude, dans l'émission, on parle de choses sérieuses, et puis on fait les cons. Enfin, on fait beaucoup les cons. Je pense qu'on fait les cons à raison de 80% du temps. Mais 20% du temps, on est sérieux. Ben là, c'est 100% déconnade. C'est 100% déconnade, pardon. À un moment donné, il faudrait que j'arrête de mal articuler. Bon, nous sommes le vendredi 28. En fait, c'est la dernière émission avant 2019, hein. Bah ouais, quand j'y pense, attends, puisque vendredi 28, ça veut dire que samedi on est le 29, dimanche 30. Ah non, lundi 31, ce sera lundi la dernière émission avant 2019. Donc c'est bon ça, oui, puisque c'est les meilleurs moments, comme je vous l'ai précisé. D'ailleurs, c'est les meilleurs moments que vous voulez absolument réécouter de cette émission, il suffit de me proposer sur le WhatsApp. Vous êtes très nombreux à m'en demander du Dominique, ça va arriver tout à l'heure. Et pour le programme des prochaines minutes, on a... Alors, que je regarde correctement. Je vous ai calé Check pas ton Snap. Le Check pas ton Snap, c'est quoi? C'est un auditeur qui... prend son téléphone et envoie une photo de lui. légèrement dénudé. Je demande pas qu'on envoie des nudes, hein, pas déconner non plus, mais légèrement dénudé à son petit copain ou sa petite copine. Sauf que cette photo qui est envoyée via Snap, Instagram ou Messenger ou ce que vous voulez, eh ben je demande à ce qu'il y ait toujours une mention dans la photo. Et la mention, c'est écrire le prénom de quelqu'un d'autre, notamment de l'ex-copain ou l'ex-copine. Puis on appelle, on dit non, check pas ton Snap, et c'est une sorte de test de réalité. Voilà, une sorte d'expérience sociologique où on vérifie si les gens vont le faire ou pas. S'ils vont avoir voilà, le respect de leur petit copain, petite copine qui dit non, ne regarde pas Snap, parce qu'ils auront la confiance. Je vous préviens que 99% du temps, ils n'ont pas confiance et ils vont aller checker le Snap. Et ça va se passer entre Ludo et Marie dans quelques minutes sur Énergie. On aura également Mok là. Oui, Mok, c'est un gars qui est un auditeur très fidèle qui va appeler sa copine Mia là pour le kiff ta mère. Et puis ce soir, je vous ai prévu quoi? Bébé, j'ai déconné en deux parties parce qu'il est super long là. Ça sera pour tout à l'heure. On a Jordan qui va nous raconter une histoire avec sa grand-mère et un chien. Ouais, je vous en dis pas plus. Ce sera pour après. Il y a le check pas ton Snap, deuxième partie encore qui va arriver. Du Dominique, comme promis, une demoiselle qui cherche un auditeur, enfin qui cherche surtout un petit copain avec lequel se caser. Bref, tout un programme ce soir. Et je vous rappelle, vous pouvez m'envoyer des messages. Comment? Via le WhatsApp. Le WhatsApp, c'est quoi? Eh ben, c'est le moyen pour nous joindre. C'est le moyen pour m'écrire des messages en temps réel. Alors, je ne diffuse pas les notes vocales. Les notes vocales reviennent à partir du 1er, enfin, du 7 janvier, hein, quand on est de retour dans l'émission. Comme ça, je pourrais rebrancher mon téléphone et tout, machin. Mais là, entre temps, je lis vos messages si vous le désirez, hein. Je vous réponds en privé et tout ça. Coucou à Michael Taximan qui est connecté, là. Il y a Anthony qui est un styliste, d'ailleurs, aussi, qui nous écoute. Eugénie, comme d'hab, elle est toujours là. Elle, c'est un truc de ouf. Anaïs, à Ryan, à Tristan, 0492 222 002 sur WhatsApp, les amis. Bisous à Damien. Damien qui m'a envoyé une photo de son derrière. Vous savez, Damien, c'est un auditeur fidèle qui m'envoie toujours une photo de son arrière, ouais, dans lequel il met un aliment. Il faut tenter de deviner c'est quoi l'aliment. C'est devenu un jeu malgré nous. Ça aussi, ça revient le 7, hein, Damien. Donc ça sert à rien de m'envoyer des photos de ton derrière, voilà. Et bisous à Tabo qui nous écoute de Barcelone avec sa sœur. Ils sont partis là-bas en vacances. Et bah, franchement, respect, hein, y en a qui se mettent bien. Bon, les amis, WhatsApp 0492 222 002. On commence les hostilités tout de suite. Mais d'abord, voici David Guetta avec Bébé Rexha, J Balvin. Ça s'appelle Say My Name. Check pas ton Snap, on commence avec ça tout de suite. Bienvenue. Vince, c'est dans la maison. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running. Ooh, oh. If you really being honest, if you really want this. Ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ludovic, est-ce que t'es prêt là maintenant ou pas? Ouais, là, je suis dehors, là, c'est bon. Allez, les amis, c'est parti. Un petit peu de légèreté dans ce sujet. On se met tout de suite en mode. Check pas ton snap. T'as envoyé le snap ou pas? Ouais, j'ai envoyé le snap. Ça ah, choqué, hein. Ça va. Le snap est parti. Donc, tu l'as envoyé à ta meuf. Elle s'appelle comment? Marine. Comment? Marine. Marine, ok, d'accord. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui se passe, Eddie? Moi, j'ai une question. T'as envoyé quelle sorte de snap? Bah, un nude, mais mec, quoi. D'accord, t'es nude sur la photo? Voilà, je suis nude. Ouais, mais attends, parce que nous on vous dit de vous dénuder, on vous demande pas d'envoyer des nudes non plus, hein. Parce que c'est fini avec ta meuf, après elle a du dossier sur toi, tu vois. C'est clair. Bon, non, allez. Non, t'inquiète, mais j'en ai plein sur elle aussi, donc. D'accord, ouais, bon. Cool. Ouais, ouais, ça sera un autre sujet, ça. Bon, Ludovic, on appelle tout de suite Marine. D'accord. Si elle a checké le snap ou pas, on sait pas encore. En tout cas, tu lui demandes de pas checker son snap. C'est parti. On y va. Alors, est-ce que ça appelle? Bah, le standard a bugué, là. Ça appelle pas, là? Non, ça appelle pas, non. Ah, merde. Attends, je réessaye. Vas-y, vas-y. Sinon, il y a Dino qui arrive avec une main, hein. Ah, on te fait signe au standard, d'ailleurs. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon, ça sonne, c'est parfait. Concentration, Ludo. Attention. Allô? Allô, bébé? Ludo? Ouais, c'est moi. Pourquoi tu m'appelles en inconnu? Non, parce que comme j'ai plus de téléphone, j'ai plus de batterie sur mon téléphone, ben j'appelle avec le numéro de ma mère. Mais je sais pas, ah c'est ben masqué, enfin, tu vois. Ça va? Okay. Ouais, ça va et toi? Ouais, tranquille. Ça a été ta journée? Ouais, ça a été, je viens de prendre mon bain là. Je suis fatiguée. Ouais. Je suis partie chercher à manger, je rentre. J'arrive. Ouais, par contre, je t'appelle. Il t'envoie un snap sans faire exprès, bêtement. Moi, en fait, je devais l'envoyer à Momo, tu vois, mon pote, et ben, je me suis trompé. Je l'ai envoyé à toi, en fait. Mais c'est rien de spécial, donc c'est pas attention, c'est tout. Attention, j'ai qu'à m'ouvrir. Non, non, mais c'est rien, c'est pas. Ça, c'est. Bah ouais, mais je peux ouvrir. C'est ce que je veux dire. Non, non, non, mais je peux ouvrir, ça sert à rien, de toute façon. Bah si, attends, attends. Mais non, c'est pas bref. Pourquoi tu dis bref? Déjà, tu m'appelles jamais à cette heure-ci. Pourquoi tu m'appelles? C'est qu'il y a un truc. Donc, je vais regarder. Comment tu vas, c'est tout. Ludo, s'il te plaît, tu m'appelles jamais à cette heure-ci. Écoute, non, non, écoute. C'est un bête, là, c'est rien, y a rien. On s'envoie des trucs de foot. Y a like des chantures, là, c'est rien. Donc, attends. C'est quoi? Attends, regarde, attends, deux secondes. Je mets le haut-parleur, je check. Attention. Il est fou, lui. Elle a pas encore vu. Putain, évidemment, mon wifi, il bug. Ah bah tiens. Ouais, mais justement, laisse tomber, donc ça a rien, ça a rien. Ah non, bref. Mais non. Non, non, parce qu'en fait, tu t'appelles, je vais demander un truc. Demain, il faut que tu puisses venir me chercher après les cours. Et bah non. J'ai pris ma voiture, donc sur 15h. Ouais, moi, je vais pas finir le travail à 15h. Ah, mais Mais si t'attends alors, pas grave. Ouais, puis à mon avis, tu seras plus vers 13h30, ça va? Allez, ça va, tranquille. Tu vas faire un tour si tu veux en attendant. Mais là, j'ai ton snap, donc. Mais encore sur cette histoire, juste ton rêve, je t'ai dit que c'était pas fait exprès. Donc c'est. Non, mais. Là, je me mets. T'es en train de me faire une blague, là, Ludo, ou pas? Ah. De quoi? Elle l'a vu. C'est quoi cette pigeon snap? Quoi, comment ça? Allô, c'est quoi ce snap? Ouais. C'est qui, Elise? Round one, fight. Écoute, c'était un bête délire entre poètes. C'était rien, on s'envoie des trucs et tout. Ton pote s'appelle Elise? Quoi? Ton pote s'appelle Elise? Non, non, en fait, on parlait d'un truc. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. Moi, la vérité, tu m'appelles jamais. Non, non, tu vois, tu m'écoutes. Non, c'est quoi ce snap? Non, on parlait d'un truc. Et en fait, Elise, là, c'est un message qui suivait la conversation. Mais ça, c'était en faisant un seul message, tu vois. Donc, c'est quoi, regarde, j'ai même pas envie de t'écouter parler. Non, non, mais écoute. Non, c'est rien. Et en plus. Non, c'est rien. C'est, on dirait juste, on s'envoie des trucs. C'est un truc de but, Ludo, tu changeras pas. C'est un gros truc de but, c'est tout. Mais sinon, ferme ta gueule, vraiment, ferme ta gueule. Écoute, non, pas correctement. J'en ai rien à foutre, non, c'est pas correctement. Tu vas faire quoi? Comment ça va faire quoi? Hé, hey, je t'encule et quoi, elle va faire quoi? Hé, hey, pas encore. Comment ça se met pas encore? Comment qu'est-ce que t'arrives? C'est qui, Élie? Je te dis, c'est un délire entre potes, y'a pas délire. Ah, il y a un délire entre potes. C'est ça ton argument, c'est ça? Élie, c'est personne. Je sais pas pourquoi toujours tu dois t'inventer. Bien, bien. La vie de ma mère, je vais prendre ma voiture maintenant. Je vais débarquer chez toi. T'es chez toi? Non, je suis pas chez moi. Ah, t'es où? Ben, t'es où? Dis-moi où t'es, j'arrive. Je sais pas où je suis, mais moi. Après, c'est des potes. Écoute, t'es en train de t'énerver pour rien. Non, je t'écoute même plus, c'est quoi? Regarde, ça fait déjà la deuxième fois avec une fille. Oh. C'est quoi, prends ça pour non, la première fois, c'est pas fait exprès. Allez, c'est pas fait exprès. Je suis sur une fille. Oh mon dieu, c'est pas fait exprès. Pourquoi? Tu vois, en fait, toi, t'es comme ça, t'es parano, tu vois, tu pètes un cap pour une bête photo nulle, genre. Il a déjà récidivé. C'est moi qui suis parano. On est en train de rigoler, toi, t'es là, t'es en train de péter un cap. Ah ouais, je me marre trop, là. Putain, mais je me marre trop. Vraiment, je suis en fou rire, pas possible. Et en plus, franchement, nique ta grand-mère, vraiment. Viens chez moi. Ludo, c'est qui? Vas-y, regarde le snap, je t'ai envoyé moi aussi, je t'ai envoyé la photo. Et c'est qui cette pute? Ludo, c'est qui cette pute? Avec le string. Vas-y, passe-moi le téléphone à cette pute. Passe-le-moi. C'est qui? T'es au téléphone avec qui? Allô? Non, ta sœur. T'es la sœur de Ludo? T'es la sœur de Ludo? Non, t'es qui toi? Bah, c'est Élise et toi? Ah, t'es Élise! Ouais, c'est ça, allez. Et je te jure, toi, regarde, t'es où? Vous êtes où? Dis-moi où t'es, toi, Élise. Ben, on est chez moi. Mais c'est toi, c'est où, c'est toi? Ben, quoi, mais tu. Attends, mais t'es qui, en fait? Moi, je suis qui, c'est la meuf à Ludo? T'as une meuf? C'est une meuf de ma classe. Elle est juste là pour m'expliquer un truc pour les courses, que je comprends. Ah, j'espère bien, parce que. Avec tout l'argent que je te file pour t'acheter tes baskets. Ah ben on est deux, avec tout l'argent que je file aussi pour se bouffer à manger. Ah toi aussi? Ah ben non, comment ça on est deux? Comment ça on est deux? T'es un crevard. T'es un michetot en fait. Toujours un crevard. Ben ouais, c'est une pute au masculin, mec. Comment ça je suis un michetot? Vous voulez qu'il soit vraiment fou ou quoi? Pute Ludo, t'es une petite pute. Et le mec est fort dans sa blague. Putain. Ben c'est qui en fait cette fille? Ben, ta copine, allô, ta copine, mais nous, allô. Et ça fait 6 mois qu'on est ensemble, là, il m'a jamais parlé de toi. Ok, 6 mois, wow. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. 2 ans? Tu débarques d'où, Élise? T'es qui, en fait? Tu sors d'où? Mais en fait, on s'est rencontrés à une soirée parce qu'en fait, je suis stripteaseuse. Ah, bah ouais, ça m'étonne pas. Mais je rigole pas du tout. Écoute, Marine, écoute. Tout ça, c'est un putain de gros ballon. Rien, cette map, c'est rien. Elle vient juste m'expliquer un truc. T'es parano, en fait. Ah ouais, elle t'explique un truc alors qu'elle est en train de dire que c'est ta meuf. Mais non, elle rigole. Mais dis-lui que je suis enceinte. Putain. Dis-lui maintenant. Tu vas lui dire quand? Je vais faire une blague, c'est impossible. La vie de ma mère, je suis en train de. Et Ludo, je vais te trouver, je te jure, je vais te trouver. Et je vais regarder ta localisation. Comment tu vas me trouver? Je vais te trouver, j'en ai rien à foutre. On est à Evers, viens tout de suite. On est à Evers. Viens tout de suite, chaussée de Louvain. Je sais même pas pourquoi tu t'énerves. Elle me donne des cours. Ta gueule, je veux même pas t'entendre. Je te donne des cours de langue, oui. Ça fait 6 mois. Ça m'étonne pas en étant une pute en même temps, ma fille. Oh, comment tu parles? Et toi, comme ta gueule, que je vais te monter en l'air aussi. J'ai les enfants, j'ai. Mais je m'en fous, et ton gosse, je vais te faire avorter direct. Qu'est-ce que tu veux, toi, pionce? Oh, comme c'était comme ça, mais c'est horrible. Entre femmes et tout, t'es dégueulasse. Ben ouais, entre femmes de quoi? T'es une femme, toi? T'es une femme qui te respecte? Mais quoi? Mais moi, je savais pas qu'il avait. C'est Ludo le connard dans l'histoire qui est au moins. Allô? Il y a mon doigt qui a glissé. Il y a son doigt qui a glissé. Ah! Hey, mais moi, c'est pas mon doigt qui va glisser, mais c'est toute ma main qui va glisser sur ton front. Sur mon front? Il est ouais, super large en plus. Dedans, je vais te faire percer dedans. Mais viens maintenant, 775 chaussée de Louvain. T'inquiète pas, regarde, je vais arriver, tant c'est pas. Et Marine, elle a un gang. Elle va ramener son gang, c'est lui, Marine. Est-ce que tu veux bien être la marraine de notre enfant? Ouais. Eh, je vais. Toi, t'es une ouf. Je te jure, tu sais même pas. Ouais, t'es une ouf. Tu fais la maline, Élise, mais franchement, redescends. La vie de ma mère redescend parce que. Mais je m'appelle pas Élise, en fait. Marine, qu'est-ce que tu vas faire? Tu parles trop, toi. Je m'appelle pas Élise. Elle s'appelle pas Élise. Je m'appelle pas Élise, en voilà. fait. Voilà, exactement. Il y a plein de voix ici autour de la table. Là, les gars, on est nombreux, là. Oh, allez, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ce bordel, Ludovic? Ludovic, c'est quoi le bordel? Explique-moi. Oui. Bah, le bordel, c'est que bah, c'était une blague et on est sur énergie. Ouais. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Situations out the door, so grab somebody and get your ass on the dance floor. J'avais quel âge ce son là? Attendez, moi j'ai des souvenirs, la PlayStation 2, de la GameCube et de la Game Boy Advance. Non mais sérieusement, je devais avoir quoi, 13-14 ans? Mary J. Blige avec Family Affair, quel classique, ça fait du bien. Bon allez, on revient à nos moutons tout de suite, bienvenue sur Énergie. Mon nom c'est Vince, on est en mode vacances et voici le Kiff ta mère, Mock qui piège Mia, c'est parti. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. Allez, Mo, qu'est-ce que t'es prêt? On appelle tout de suite pour le kiff ta mère. On appelle ta belle-sœur maintenant. Elle s'appelle Mia. Tu vas faire croire que t'as des sentiments pour sa maman, qui est aussi la maman de ta femme. Voilà. C'est parti. C'est ça. Let's go. On appelle en direct. Courage, coupe le micro. Bon courage. Et péter l'eau des mains. Allez. Non, faut qu'elle réponde. Allô. C'est bon. Bonsoir Mia, ça va? C'est moi. Pourquoi tu m'appelles avec un numéro privé? C'est la radio, mais tu sais pas. Bah, parce que c'est le téléphone d'un pote, il me l'a prêté en fait. Ok. Oui. J'ai un petit truc à te dire. Ouais, j'ai désolé de t'appeler aussi tard. J'ai un petit truc à te dire. Franchement, je suis désolé de te dire ça, mais je sais pas comment te dire. Je sais pas si je dois le dire ou pas. Je suis trop maigre, c'est pas vrai. Voilà, ça fait un certain temps que... En fait, moi et ta mère, on se parle sur WhatsApp. Et une fois, j'ai pas fait exprès, j'ai envoyé une photo de... d'une partie intime, je peux dire ça. Et de là, voilà, c'est parti en cacahuète. Ils s'attendent pas. Comment ça, c'est parti en cacahuète? En fait, ta mère, je pense que je suis tombé amoureux d'elle. En fait, t'es avec ma soeur, là, tu me fais une blague. Tu peux lui dire que c'est très drôle, mais que je sais pas que ça va faire, en fait. Oh, excuse-nous. Non, je suis tout seul, sorti de la maison. Oui, c'est ça, je te crois. En fait, je voulais te le dire à toi et je voulais savoir qu'est-ce que t'en penses. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, tu peux le dire à ma soeur, elle te dira ce qu'elle en pense. C'est lui qui est à côté de toi. Bah non, en fait. Je t'ai dit, je suis tout seul, je suis pas serré. Je suis serré avec toi. Et t'es pas énervé. Oh. Genre, t'as envoyé une photo de ton truc à ma mère. Et ma mère ne nous a rien dit. Mais bien sûr. On dirait qu'elle a débouché, les malades. Oh, bien sûr. Moi, maintenant, je pense avec ta soeur, ça va terminer. Oh. Et je vais me mettre en couple avec ta mère. Mais bien sûr, ma mère a 55 ans, je vais te mettre en couple avec elle. Tu vois pas le rapport? Ouais. Bah, elle a pas d'âge, hein, l'amour n'a pas d'âge. Exactement. Parlez-moi. À ma teuf. Ah, tu peux pas, c'est ma soeur. Je suis tout seul. Son bord de la vie, tout de ma gueule, parce que, ma meuf est plus jeune que moi. Je te dis, je suis amoureux de sa mère. Mais oui, ma mère aussi est amoureuse de toi. Je te considère comme une amie. Je ne l'ai pas dit à ta sœur. Je préférais te le dire à toi. Et je voulais savoir ce que tu en penses. Que je en pense, bah, tu seras mon futur beau-père, mais bien sûr. Franchement, c'est pas drôle. Tu peux me passer ma sœur maintenant. Bah, je t'ai dit, je suis tout seul. Tu veux quoi maintenant? Je veux quoi? Je voulais t'annoncer ça, la nouvelle. Je sais pas, c'est vraiment pas drôle. Hein. Qu'est-ce que j'en pense? Mais je te promets, franchement, et il y a quelque chose que je t'ai pas dit. La dernière fois quand ils sont partis à Paris, oui. Ben en fait, on s'était donné rendez-vous à Paris. Oui. Et ta mère, je sais pas si t'as remarqué, elle s'est éclipsée une heure. Oui. Et du coup, on a pris une petite chambre et on l'a fait. Franchement, arrêtez n'importe quoi, parce que là, ça devient pas drôle, ça commence à me faire peur, là, comment tu parles? Je te promets que c'est la vérité. C'est vraiment pas drôle, en fait. Tu vas jusqu'à promettre pour une blague. Je te promets que c'est la vérité. Non! Vas-y. Attends, franchement. De ma gueule? Franchement, je vais appeler maintenant parce que ce soit vrai ou pas là. Moc. Là. Alors, oui. Passe-nous Mia, on va lui expliquer. Alors, bonsoir Mia. Bonsoir Mia. Je m'appelle Vince. Pour t'expliquer en gros l'histoire Mia, Moc nous a appelé pour parler de ça. Donc, on est en direct sur Énergie. Comme ça, tu sais. Ah, en plus, t'as fait la radio pour ça. Oui, mais en fait, la situation est réelle. C'est-à-dire que Moc, il a des sentiments. Il y a quelque chose qui s'est passé avec ta maman. Et... C'est une blague, je crois pas. En plus, t'as fait la radio. Oui, mais justement, si ça avait été une blague, on t'aurait dit « Ouais, t'es sur Énergie, blablabla, on aurait applaudi, là, on est dans un sujet. » Mais c'est pas normal. En plus, t'es en train de nous afficher, là. Mais c'est vraiment pas normal. Bah, écoute... Non, mais je suis en train de parler là à lui, parce que je vois qu'il parle pas. Mais t'es malade, je crois, en fait, t'appelles la radio pour ça, mais t'es pas normal. Même Mia, désolé, Mia, taré, en c'est fait. Bon, je voulais... J'ai parlé à... Moi, je vais appeler maintenant ma soeur, parce que franchement, je comprends même pas pourquoi tu m'appelles à moi. Mia, voilà, nous, on voulait avoir ton avis un petit peu par rapport à ça, qu'est-ce que t'en penses? Mon avis sur quoi? Qui se tape ma mère? Mais ça va pas ou quoi? C'est n'importe quoi. Mais le truc, c'est qu'il est mal à l'aise, il pensait que t'étais la seule personne à qui en parler, parce que là... Ah, il est mal à l'aise et il passe sur la radio. Mais non, sauf que voilà, Moc, c'est son diminutif, j'imagine, de... Enfin, voilà, l'idée, c'est qu'il a besoin d'en parler avec nous, il a besoin d'avoir l'avis des auditeurs, donc les auditeurs donnent leur avis aussi, et il voulait voir un petit peu... Mais déjà... pas les vrais psychologues, en fait, qui... Non, on a un peu ce rôle-là. C'est nous les psychologues, comment ça passe? Voilà. C'est les psychologues de 2018, mais c'est un peu ça. Ah, mais oui, ok. Et nous, donc, on est SRAP Énergie, SRAP psychologue. Voilà. Donc, Mia, bah, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire, alors, à Moc? Ben, je lui conseille d'aller se faire foutre, en fait. Non, mais... Et je vais appeler ma soeur tout de suite, parce que... Non, attention. Ferme ta gueule, en fait. Mia, franchement, je vais appeler ma soeur maintenant parce que. Mia, attention, justement, Mia, non, il faut pas. Parce que si t'appelles sa soeur trop rapide. Mais non, je t'explique. C'est-à-dire que lui, il a voulu en parler avec toi et c'est à lui, c'est à Moc d'en parler à sa femme, on est d'accord. C'est à lui de le faire, c'est pas à toi. Mais pourquoi il m'appelle moi maintenant? Mais pour avoir ton avis, pour essayer de savoir. Mais mon avis sur quoi? Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise? Mais c'est n'importe quoi. Ma mère a 55 ans. Mais oui, mais. Ça va pas. Mais elle a des désirs quand même. Elle a des désirs, elle a voulu coucher avec lui. Et elle l'a fait. C'est elle qui s'est lancée sur moi, hein, je te promets, Mia. Moi, au début, oui, j'étais pas d'accord, mais bon, les choses, ils sont faites, voilà quoi. Mais tu te fous de ma gueule? Franchement, c'est une blague. C'est bon maintenant, moi, c'est pas ma faute. Hein. Il faut en déjà, vouloir. Déjà, tu parles pas comme ça de ma mère, parce que là, t'es vraiment en train de m'énerver, je vais appeler ma soeur tout de suite. Ta mère qui m'a sauté dessus, c'est ta mère. Mais tu fermes ta gueule, franchement, t'es en train de faire n'importe quoi et t'es en train de nous afficher. Mais non, je fermerai pas ma gueule, pourquoi? Parce que moi je dis la vérité, c'est tout. J'ai pas. Voilà. Et tu veux quoi maintenant? Tu veux quoi en fait? Ta mère. Tu veux quoi? Ta mère, c'est ça qu'il veut ta mère. moi je veux de ta mère. Là, il se fait reculer, lui, franchement. Et toi aussi, je sais pas, t'es qui, là. Mais non, mais parle bien, s'il te plaît, Mia. Valérie, franchement, c'est pour tous ces gens, là. Mais c'est un sujet hyper sérieux, en fait. Mais en fait, Mia, on vient de dire qu'on est en radio. Bah, pas entre familles, pas en... J'ai pas besoin d'écouter. Enfin, je crois que le monde entier nous écoute. Bah, le monde entier, non, la Belgique. En fait. Et un peu plus. Bah, nous non plus, on te connaît pas. Bah, dis-toi, moi j'appelle ma soeur, j'ai pas que ça à faire. Mais non, mais non, attends. C'est une blague, je sais pas ce que t'es en train de faire. J'aurais bien voulu, j'aurais préféré. Et on est en train, justement, d'essayer de parler à ta soeur qui veut pas passer à l'antenne. Elle préfère Je la comprends, en fait. Elle préfère que nous accuser. Voilà, tu parles au nom de la famille. Voilà, si je dois parler au nom de la famille, bah, finalement, il se fait rechouter. J'ai dit qu'est-ce que je pensais, quoi. Bah, écoute, qu'est-ce que j'ai fait, quoi. Bon, il a des sentiments pour ta mère, il a déjà accouché avec ta mère. Voilà, ils se sont envoyés en l'air, ils ont fait des choses. Donc maintenant, c'est du coup. C'est pas possible, c'est une blague. Ah, ben pourtant, c'est le cas. Donc du coup, je vois pas ce qu'il y a comme solution à part. Je danse à franchement, en fait, c'est une blague. Bah oui, c'est une blague. Bah ouais. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique.

21h minuit. I just ordered sushi from Japan. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Le délire tout de suite avec le bébé, je les connais sur Énergie, la Catherine qui pêche son mec. Mais d'abord, j'ai quelque chose à vous demander. Ah ouais, attendez, on va profiter des vacances pour un petit peu se marrer et malgré tout faire des blagues. Enfin, faire des blagues, on en fait déjà dans l'émission. Mais j'ai envie qu'on troll des personnes, des membres de l'émission, notamment Lara. Vous savez, Lara, elle aime pas les gens qui la stalk, qui l'observent de loin, qui regardent ce qu'elle fait, qui veulent en savoir beaucoup sur sa vie privée. Lara, elle a l'horreur de ça. Bon, l'horreur, voilà. J'aime bien la chatiller, la taquiner avec ça. J'ai envie qu'on fasse tous un délire. J'ai envie que vous lui écrivez tous un message en même temps. Parce que le pire, c'est que comme elle est en vacances, qu'on n'est pas en émission, elle ne va pas faire le lien avec moi, ni avec elle, ni avec l'émission de radio. J'ai envie que tous ensemble sur Instagram, vous prenez votre téléphone et vous allez lui envoyer un message en commentaire de n'importe laquelle de ses photos. La dernière photo, par exemple, en disant « Lara, il y a une photo de toi, toute nue, qui traîne sur Internet, je suis choqué. » N'importe quoi en rapport avec une, genre une photo qui traînerait sur Internet de Lara toute nue. Vous inventez, vous dites « Ouais, il y a une photo de toi que j'ai vue sur Facebook, sur Instagram, il y a une photo de toi qui tourne sur Snapchat. » N'importe quoi, mais faites-lui croire qu'il y a une photo d'elle qui est en train de tourner, toute nue. S'il vous plaît, juste histoire de la taquiner. Je vous redonne son Instagram, c'est Lara Belrose. L-A-R-A, Belle Rose comme vous l'entendez, comme une belle rose. L-A-R-A-B-E-2-L-E-R-O-S-E. Lara Belrose. Dès que vous arrivez, c'est ma co-animatrice, hein, dès que vous arrivez sur son Insta, en commentaire, en message privé, comme vous voulez, dites « Eh, mais attends, il y a une photo de toi qui traîne toute nue sur Internet, c'est choquant, comment ça se fait et tout. Franchement, je suis déçu. » Ouais, bref, faites ce que vous voulez. L'histoire et l'idée, c'est de la troller. En attendant, c'est Catherine qui troll son mec dans le bébé j'ai déconné sur Énergie. Bienvenue, vite, c'est dans la maison, let's go. 21h. Je me marre à l'avance, quoi. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince est sur Énergie. On récupère Catherine. Catherine, est-ce que tu me reçois? Oui, je te reçois. Formidable. Catherine, nous avons tout de suite téléphoné à Diego, qui est ton petit copain, c'est bien ça? Oui. Alors raconte-nous un petit peu ta vie avec Diego. C'est combien de temps vous êtes ensemble? Ça va faire quelques années, 3 ans. 3 ans, félicitations, ah ouais, c'est bon, bravo. Ça. Et attention, on va envoyer 23h23, les gars. Yeah, Arriba, merci pour vos messages. Je vous donne le numéro WhatsApp, c'est le 0492 222 002 pour toutes vos réactions en direct. Je lis le message en live ou alors je passe vos notes vocales. Alors, Catherine, donc félicitations pour ta durée avec ton petit copain. Il y a des enfants là derrière, il y a un petit truc ou pas encore ? Non, rien. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire cette blague ? T'as envie de pimenter un peu ton quotidien avec ton mec ? Ben oui. Eh ben écoute, très très bien. Écoute, si jamais ça se passe bien, on va t'offrir du cadeau derrière. J'espère que t'es prête, Catherine. On appelle Diego. Par contre, je sais pas comment c'est le truc. Parce mais vous êtes là, c'est-à-dire l'idée que t'as donnée était bien. C'est genre, t'as laissé ton téléphone et il appelle le téléphone appelle sans vous exprès. Le sachiez. Exactement. Et vous êtes en conversation. Il faut déjà que vous décidiez comment s'appelle Vince. Voilà. Il s'appelle quoi, Vincent ? Bah oui, Vincent. Allez. C'est mon vrai prénom, je tiens à préciser pour les auditeurs. Vous êtes dans la chambre. Vous êtes dans la chambre et je sais pas moi, après c'est à vous de. Donc là, il pense que t'es où là ? À l'hôtel. D'accord. Tu es à l'hôtel. Mais moi, je viens d'apprendre un truc. Tu t'appelais vraiment Vincent ? Ouais, je m'appelle vraiment Vincent. Ouais. Je croyais Vince venait de, je sais pas, d'un autre truc. Mustapha. Abdel. Et du coup, t'es dans quelle ville ? À Paris. À okay. Paris. Dans quel il connaît un peu dans quel arrondissement, etc. Non, il connaît rien. D'accord. Paris. Et t'es à Paris pour l'instant dans un hôtel. Pour quelle raison encore professionnelle ? Mais pourquoi ? Paris. Oui, mais deux. Ok. Ouais, mais tu travailles donc. En fait, tu veux pas le dire peut-être. C'est bon. Non. Pas de problème. Okay. D'accord, ok, ça va. Okay. Je suis pas un client, genre, tu vois ce que je veux dire. Dans un hôtel, je sais pas. Ah bah oui, oui. Ok, Catherine, c'est parti, on appelle. C'est parti. Alors, donc, on fait genre une conversation. Donc, Catherine, bah écoute, tu veux regarder quoi ce soir ? On fait genre, on a une conversation, Catherine. Allô ? Donc, ce soir, je sais pas si tu veux qu'on fasse comment. Allô ? Sinon... écoute. Je sais pas, tu viens me voir ? Bah écoute, c'est... Allô ? Ça va, t'es pas loin. Ouais, non. Non, c'est vrai, je peux te rejoindre. Je te... Tu seras là dans combien de temps ? Bordel, putain. Allô ? Attends, je raccroche. Putain, Catherine ! J'ai raccroché, imagine, on est l'un à côté de l'autre, là. Attends, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, le 5 novembre, là ? J'ai raccroché à Diego, en 2-2, là. Catherine, on est l'un à côté de l'autre. Parce que comment tu peux téléphoner à ton mec et être en communication avec quelqu'un d'autre en même temps ? Non, mais t'es dans le lit déjà avec un autre mec ? Oh, merde ! Les gars, vous avez pas compris ? Waouh ! Elle vient de Lille, c'est tout à fait normal. Attends, on rappelle. J'espère qu'il a pas capté, putain. J'espère qu'il a pas capté. Brain, ouais. Voilà, donc, genre, tu me dis, vas-y, caresse-moi là, vas-y. Ok, vas-y, on parle. Mais parle, wesh ! Mais parle ! Alors, si tu veux, pour le massage et tout, j'ai un peu d'huile. Donc, non, c'est à toi de me dire, tu préfères les massages ou comment ? Il peut y avoir un massage aux épaules, si tu veux. Mais comme d'habitude, c'est bien. Ouais. Oh, ça fout ma gueule là ou quoi ? J'ai un peu mal aux mains, c'est ça le problème. Donc, je t'avoue, je suis un peu fatigué. T'as pas envie qu'on passe tout de suite ? Et alors ? Tu es bouffon. Vas-y, bah, on met Netflix, on regarde un truc. Ah, ouais. Oh, putain, merde ! Quoi ? Je suis au téléphone, merde ! Oh putain ! Il y a mon copain. Allô ? Non, mais je suis pas là. Dis, je suis pas là. Allô ? Et je suis pas là. Catherine, c'est quoi ce bordel là ? Comment ça ? De quoi tu parles ? Bah, pourquoi déjà tu m'appelles en numéro masqué déjà pour commencer ? Je t'ai pas appelé. Eh, dis rien. Non, mais c'est qui le mec là derrière ? Il y a personne. Tu me prends pour un bouffon ou quoi ? Ça fait deux fois que tu m'appelles là. Et je t'entends encore ça sans être un gars. Mais non, pas du tout. C'est pour le boulot. Bah ouais, tu te fous de ma gueule pour le boulot, t'es où là ? Pardon ? T'es où là ? Eh, dis rien, tu dis pas. Mais il est pas là. Je viens ensemble ta gueule, toi, le bouffon derrière là. Merde, mais. Mais comme ça, y'a personne. Non, y'a personne, ouais, dis rien, c'est bon, hein. Me prends pas pour un con. Mais arrête, t'es Jeanne d'Arc ou quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Y'a personne, ouais, Jeanne d'Arc. Non, Jeanne d'Arc ou Diego d'Arc, comme tu veux, mais je suis pas Jeanne, non. C'est qui le derrière, c'est Jean ? Y'a personne. Non, mais prends-moi pour un con. Dis rien, ça va, hein. Putain, merde. Et puis même si avec quelqu'un, ça peut te faire quoi ? Non, mais t'es sérieuse là, par contre ? Bah quoi ? Ça se trouve, t'es où là ? Ça peut... Il faut lui raccrocher. Mais tu es à l'hôtel ? Mais raccroche, t'es où ? T'es dingue ou quoi ? Putain, tu vas avoir des problèmes. Et t'es où, moi, le bouffon là, derrière là ? Et pourquoi je te le passerais ? Ah, t'as vu, y'a personne, mais maman a quelqu'un. Vas-y, passe-moi le bouffon. Mais pourquoi ? Et qu'est-ce qui se passe là ? Tu fais quoi avec lui là ? Y'a rien ? Non, Non mais tu te fous de ma gueule, il est 11h30 du soir, tu fais rien, il y a un gars avec toi, il se passe rien. Catherine, ma gueule peut-être. Je me rhabille en tout cas. Non, il n'y a personne. T'es sérieuse la grosse pute là, je me rhabille. C'est une blague, c'est une vraie de grosse pute. Hé, passe-le-moi le catin là derrière là. Il n'y a personne. Putain, je trouve pas mon slip. Non mais t'es sérieuse là en fait. Mais c'est toi qui es parano. Putain, j'ai trouvé ton string, mais je trouve pas mon slip. Non mais attends, t'es sérieuse là? Non, en fait t'es en train de te faire canne là. Mais pas du tout. Putain, je trouve pas. Non mais t'es sérieuse? Mais oui. Attends, j'ai... Ouais, t'es en train de te faire canne. D'accord, c'est bon. Mais c'est quoi? J'ai jamais dit ça. On a pas acheté la capote. Non, très bien, vas-y. Écoute, t'entends, c'est ton iPad ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de mon iPad, je suis pas matérialiste, hein. C'est ton iPad. Ton iPad, t'en as rien à foutre. Rien à foutre. C'est ma gueule, en fait. Ton iPad, t'en as rien à foutre, ton MacBook. Voilà, t'en as rien à foutre. T'es sérieux, tu veux faire ta valise, là? Ah, y'a toujours personne derrière? Y'a personne, mais t'es parano. Non, j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Toi, tu me le passeras pas, je pèterai des trucs, y'a pas de soucis. T'avais qu'à pas laisser tes affaires à la part. Si tu voulais qu'il y en ait qu'un autre mec, fallait me le dire directement. La Catherine, tu l'as. Il est au courant qu'on a baisé. Il m'entend. Ouais, c'est au courant. Ouais, que, mais je peux pas lui dire. Nique ta mère. Là. Il m'entend pas. J'en sais rien. Il dit qu'il y a quelqu'un, il y a personne. Il y a quelqu'un. Attends, je vais lui dire. De quoi? Je vais lui dire, je suis un collègue. Passe-le-moi. Je vais lui dire, je suis un collègue. T'es pas un collègue. Elle a pas de collègue. Allô. Oui, bonsoir. Oui, excusez-moi, je suis le. Je réceptionniste d'hôtel. Le réceptionniste d'hôtel qui nique ma meuf, ouais, t'as raison. Ouais. Allez, vas-y, dégage, bouffon, va. D'accord. Ah, comment vous savez que j'ai niqué votre. Oh, pardon, merde. Attends, je te le repasse. Non, c'est ça. Allô, c'est le malin, j'ai niqué ta grand-mère, tu vas rien comprendre. Mais calme-toi. Ouais, je vais me calmer. Lui dis pas qu'on a baisé. Non, t'inquiète pas, elle va pas me le dire, regarde. Écoute, t'entends pas? Qu'est-ce que... Et quoi? Hein? Et il a fait quoi? Catherine, il a fait quoi là? C'est pas le cas des trucs. Mais y'a pas de soucis, mais je vais tout péter, y'a pas de problème. Tu te fous de ma gueule, t'es en train de te faire sauter par un mec à Paris, y'a pas de problème. Il est bien plus normal. C'est un meilleur coup de poing. Non, vas-y. Attends, arrête, je vais avoir des problèmes. Lui dis pas. Vas-y, ta gueule, vas-y, nique ta race. Attends, parce que moi, je vais arranger ça. Oh non. On le rappelle, mais genre. Sus. Catherine. Oui. On le rappelle. Je vais lui parler. Hey, qu'est-ce que tu veux, grosse pute? Allô, oui, bonsoir, c'est Vincent, l'appareil. Ouais, ferme ta gueule, toi, Vincent. Je vais t'expliquer ce qui se passe. Voilà. Non, oui. Je vais rien expliquer du tout. Arrête de tout casser. Non, mais y a plus rien. Y a plus rien. Diego, on parle. Tu es en train de casser pour rien. J'en ai rien à foutre. On discute. Rien, tu vois. Non, on discute pas. T'es en train de baiser, tu en discutes. Non, mais tu te fous de ma gueule. Mais non, on a pas baisé, on a fait l'amour, c'est pas pareil. Ouais, ben oui, bien sûr. Allez, juste sur les mots, espèce de connard. Mais écoute, je comprends que tu tombes mal. Mais voilà, et tu sais, dans la vie, parfois, ce genre de choses arrivent et. Relax. Évidemment que ça arrive. Faut bien se faire plaisir de temps en temps. Il a raccroché. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Exactement, la deuxième partie du bébé, je les connais, ça arrive hein, parce qu'il a redécroché juste après. Les amis, DJ Snake avec Taki Taki, c'est ce qu'on va se faire. Et je vous rappelle encore cette mission que je vous ai donnée de troller Lara. Vous allez tous sur l'Instagram de Lara et vous lui envoyez en message privé ou en commentaire. Lara, il y a des photos de toi qui traînent toutes nues sur internet histoire de la faire flipper. Merci. N'oubliez pas son Instagram. Hein. Lara Belle Rose, allez-y, trollez-la. Dis qu'il y a des photos d'elle qui tournent à poil. On arrive. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki. requisito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El booty sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. Touch it and tease it and squeeze it. With my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this Panani is undefeated. Ay, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch, who you gonna leave me for? You got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. I just ordered sushi from Japan. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. On récupère Catherine, Catherine qui est venue faire un bébé gilet conné à l'antenne sur Énergie. Oui, Catherine qu'on a récupéré, qui a fait une blague à Diego. Alors Diego, est-ce qu'il a tenté de te rappeler aux antennes là? Non du tout. D'accord, mais écoute. Il est vraiment fâché, je pense. Je crois qu'il a pété son téléphone, donc on va essayer de le rappeler. On va lui dire que c'est une blague à la radio de préférence. Donc je vais lui parler moi. Je suis toujours le mec avec qui t'as soi-disant couché. Hein. Attention, on y va. Ouais. Allez, c'est reparti. Bébé gilet conné. La suite. Ah ouais, il décroche plus là. Allô? Ah, Diego. Ouais, ferme ta gueule, toi, commence toi. Ferme ta gueule. T'inquiète. Passe-moi Catherine. Ok, ça va, je te la passe, pas de problème. Tiens, ouais, voilà. Tu me la passes, s'il te plaît. Ouais. Voilà, elle est là, ouais, pas de problème. Voilà. Calme-toi. Eh, c'est quoi, grosse pute? On est dans la soirée des aveux. Ouais, bon. D'accord? Non, vas-y, dis-moi. T'as un bac de fiançailles là, parce que je comptais le vendre en arrière, tu vois, au bout de 3 ans quand même, c'est quand même normal. Mais t'as un bac de fiançailles, tu sais où est-ce qu'elle est? Dans les chiottes, grosse pute, toi. Oh le con. C'est moi la grosse pute, tu te fous de moi? Ouais, c'est toi la grosse pute, ouais, c'est toi qui es en train de te faire sauter. Ah, parce que tu t'es allé sur le canard de pute, toi? Non, mais tu fous ma gueule. Quoi? De quoi? Tu fous ma gueule, j'espère? Oh le con. Et toi, tu t'en vas te faire sauter par le réceptionniste de l'hôtel, je sais pas quoi, mon cul là, connard là? Alors, je suis pas un connard, d'accord? On s'aime beaucoup avec Catherine, d'accord? Ferme ta gueule, grosse pédale derrière là. C'est quoi, je vais dire un truc, Catherine, tant qu'on y est, on est dans la soirée des aveux. Tu vois ta pote l'a dit. Oh. Et bien pendant que t'étais à Clermont-Ferrand, ben je l'ai baisé. Voilà. Les Français sont abusés. Voilà, on est quitte. Mais non, mais t'es une grosse pute, donc voilà. Bisous à tous les Français qui nous écoutent, mais... J'espère que ça fait bien mal, grosse pute. Dès qu'on a des Français à l'antenne, il y a toujours des trucs comme ça. T'as marqué. Oh merde, il a raccroché. Oh putain, non, il a raccroché. Bon, Catherine, on est désolé. Voilà. La reine, elle est choquée. Je suis choquée. Oh putain, mais qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Oh le malaise. Attends, on appelle Gladys. C'est pas drôle. Ah, je suis frappé. Catherine, ça va? Coucou. Ça va. Elle rigole. Non, ça a pas l'air d'être le top. Ouais. Non, mais je me demande s'il a pas dit ça en étant vénère. Attends. On nous dit on a trouvé le frère à Sébastien. Ouais. Attends, c'est possible qu'il soit en colère. Qu'il déconne, là. Attends, mais. J'espère qu'il déconne, ouais. Quelque chose était possible entre Gladys et lui quand t'étais à Clermont? Je pense pas. Attends, Gladys, c'est qui en fait dans votre histoire là? C'est une amie. Oh là là là là là là. Oh putain, merde. Bon, attends, vas-y. Attends, on rappelle Diego si possible. C'est une amie ou une chienne? Moi, je vais essayer d'avoir une conversation avec lui parce que depuis tout à l'heure, je lui ai dit que c'est une blague, mais le mec, il arrête pas de dire ferme ta gueule, toi. On dit, est-ce que c'est le prank de l'extrême? Bah, c'est le bébé, j'ai ouais, déconné c'est un peu de. Voilà. C'est l'extrême, là. Que c'est encore? Bon, Diego. Toi, ferme ta gueule. C'est quoi? C'est pas toi qui s'en d'avoir au téléphone. C'est quoi mon blaze? Mon ex-meuf, la grosse pute, là. Marco, c'est quoi mon prénom? Tu te rappelles ou pas? Non, c'est rien, mais ferme ta gueule. T'es un vieux connard. De toute façon, t'es quoi? T'as arrêté de te discuter, alors ferme ta gueule. Bon. Du coup, j'ai plus des clientes, c'est bien. Je m'appelle Vincent, mais j'ai un autre prénom. Je fais un autre métier que réceptionniste d'hôtel. Ouais, d'accord, ok. Ferme ta gueule, Vincent. Oui, je te jure, Nick Taras, pas toi. Diego, vaut mieux que tu m'écoutes. Non, appelle-moi pas, c'est pas fou, je te jure. Diego, faut qu'on parle parce que. Non, faut pas qu'on parle. C'est pas toi que j'ai envie de parler, ça m'a meuf. Mais si, c'est important qu'on parle, vraiment. Ferme ta gueule, gros bouffon. Ferme ta gueule. Mais attendez, tu continues à m'insulter, mais tu n'es pas prêt pour ce qui va arriver. J'ai une super info. J'en ai rien à foutre. T'as qu'à lui dire que la Gladys, là, j'ai bien sauté. Toi, j'ai pas bien fait plaisir. Je veux plus l'avoir. Si tes affaires, elles sont en train de passer par la fenêtre. Oh non, maintenant, j'en ai Non, mais putain, mais lui, je l'aime. Non, mais. Non, attends, on rappelle. Ah ouais. Bon, Catherine. Ouais. Ça va? Ouais. Claire, ça fait bien. Bah, top. Attends, je vais essayer de lui parler. Et je vais y arriver à un moment donné. Quelqu'un imprimé le vide en lui. Envoie-lui des notes vocales pour dire que t'es sur énergie. Hey, qu'est-ce que tu encore? Allô, Diego? Ouais, qu'est-ce que tu veux encore? Mais passe-moi ma meuf, je t'ai dit, toi, ferme ta gueule, je veux pas t'entendre, connard! Oh merde. Mais attends. Il faut vraiment que tu m'écoutes, parce que si tu m'écoutes pas. Je veux pas t'écouter, ta sale gueule de bouffon, là! T'as la place du cerveau, tu peux pas parler, alors j'essaie... ferme ta gueule! Non, mais j'essaie de te dire un truc important parce que. Voilà, tu veux continuer à faire le con. Non, pas du tout, c'est pas ça. Attends, je vais laisser les gens le dire, ça va être plus facile. Non, y'a personne à dire quoi que ce soit, de toute façon, toutes ces affaires sont en train de passer par la fenêtre, alors bon. Mais écoute! Écoute, t'es baisé, mon gars. T'es sur énergie. T'as entendu ça? Non, j'en ai rien à foutre. T'écoutes quoi, de toute façon? Écoute. T'es sur énergie. T'as entendu? Non, mais je m'en bats les couilles. De toute façon, c'est une grosse pute, un gros connard. Diego, il faut que tu m'écoutes. Parce que si tu m'écoutes pas, Je vais pas t'écouter, t'es un connard. Tu t'appelles Vincent, Robert, Richard. J'en ai rien à foutre, t'es qu'un connard. Ok, d'accord, très bien. Très bien. Mais si les autres bouffons qui rigolent derrière là. Mais c'est nous. Passe-moi ma meuf, je te jure, passe-moi ma meuf. Ok, je te la passe une dernière fois, vas-y. Catherine, il se passe quoi là? T'es en train de te faire gangbanger ou quoi? Ouais, mais oui. Ouais, on est là. Ouais, le gars. Non, mais c'est le mec. Ouais. Non, mais je te jure, vous foutez ma gueule en fait. Mais oui, on fout ta gueule. Arrêtez, je vous rends compte. Mais c'est toi, tu t'emballes pour rien. J'essaie de placer une phrase, là, j'arrive même pas. Eh, la vie de ma mère. Écoute-le. La vie de ma mère, j'ai brûlé la porte. Eh non, mais Diego, Diego, écoute-moi maintenant. C'est quoi ta bagnole là? Ça m'énerve. Écoute, juste dis-moi, oui, je t'écoute et tu vas aller tout. Les couilles, je ne vais pas t'écouter. On est bien, on vient de nous faire un gang-bang. Diego, écoute, s'il te plaît. Écoute, non, mais ta gueule, toi, ferme ta gueule aussi. En fait, moi, t'écoutes, tu vois. Mais je vais pas t'écouter, qu'est-ce que tu veux, grosse traînée, va. Mais putain, je te demande juste de l'écouter des minutes, c'est possible. Mais je vais pas l'écouter, paniquer, j'en ai rien à foutre. Mais en fait, non, je l'ai pas niqué. C'est toi qu'on a niqué dans l'histoire, mais il faut que tu m'écoutes, là. Mais ta gueule, tu m'as paniqué sans ta gueule. Vérifie tes fesses quand même pour voir si elles sont intactes. On est beaucoup, on est très nombreux. Il y en a beaucoup qui t'écoutent en ce moment même. Ouais. Écoute, on est très nombreux à t'écouter. Oh putain. Voilà, j'ai marre de fois, j'ai compris. Allez, vas-y. C'est quoi, sans ta gueule? Non, écoute-moi. Oh non! Non, mais c'est pas possible, mec. Est-ce qu'on va y arriver à un moment donné? Attends, et je te jure, je rappelle une dernière fois, je vais lui dire directement. T'inquiète, je vais lui dire directement. Attention. 0492 222 0002. Note vocale, s'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide là. Le mec est en France, je sais pas s'il va, il va pas capter, il va galérer, il a besoin d'énergie. Parce qu'on lui dit, ouais, il est là. Allez, t'es sur énergie. Tu es sur énergie. Ouais, je suis ta mère aussi. Mais allez. Putain, lui, mais ça fait ouf. Écoute-moi bien, Diego, tu es sur énergie. Énergie. Ça vous fait rire en fait. Mais c'est la radio, c'est énergie. Énergie. Quoi, énergie? Énergie. La radio, c'est une blague. T'es sur énergie. En fait, vous êtes vraiment en train de. Mais non, écoute, regarde. Ben oui. Énergie. Ah oui. Le soir, dès 21h. Écoute ça. Vince est sur énergie. Alors? C'est quoi ce bordel là? Vince, Vincent, ta mère, je sais pas quoi là. C'est quoi ce bordel? T'es sur énergie, mec! Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince dès 21h. Et c'est les vacances les amis, et donc du coup l'équipe est en vacances, mais moi je profite pour rester avec vous et vous présenter les meilleurs moments de l'émission là, des petits moments que vous avez peut-être kiffé. Et ben on vous les remet là. Jordan qui a fait une histoire avec sa grand-mère là, il a profité d'une faiblesse de sa grand-mère, c'est pas cool du tout. Vous allez découvrir ça dans quelques instants, le check pas ton snap. Et toujours dans ce petit défi, je profite du petit défi des vacances. Oh, chaque jour j'ai décidé de troller quelqu'un. Et aujourd'hui on troll Lara. Lara c'est qui? C'est ma co-animatrice. Et allez-y, continuez comme ça hein, parce que c'est en train de prendre. Vous lui envoyez un message privé sur son Instagram ou alors en commentaire de son Insta. Donc vous prenez votre téléphone, vous allez sur son Instagram qui est Lara Belrose, LARABE2LROSE, Lara Belrose comme vous l'entendez. Dès que vous arrivez sur son Insta, vous mettez en commentaire de sa dernière photo par exemple, ou en message privé, vous écrivez Lara, il y a des photos de toi qui traînent à poil sur internet, est-ce que t'es au courant? Genre des trucs dans le genre comme ça. Vous êtes déjà nombreux à le faire, donc continuez hein. Lara, il y a des photos de toi qui traînent sur internet, est-ce que t'es au courant? Genre toute nue, vous écrivez ce que vous voulez, genre je suis choqué, Aya Lara, est-ce que t'as vu sur Snapchat, t'es en train de tourner, c'est quoi cette histoire? Faites-la un petit peu flipper, parce qu'elle va pas se douter que c'est moi, étant donné que voilà, elle est en vacances, elle a la tête dans ses trucs, ça se trouve elle est même pas en Belgique. Donc s'il vous plaît, profitons-en de la troller un petit peu, ça me ferait plaisir. Sur son Instagram, Lara Belrose, vous dites que vous avez vu des photos d'elle à poil et que genre vous êtes choqué, vous comprenez pas pourquoi. Donc son Insta, je vous le redonne une dernière fois, c'est Lara Belrose, LARABELLEROSE. Comme on l'entend, on est bien d'accord. Allez, la suite ça continue tout de suite. C'est logique en même temps, la suite ça continue tout de suite. C'est comme monter en haut, c'est un pléonasme. Offenbach, Paradise. Et l'eau ça mouille. Et le feu ça brûle. Et Vince le soir c'est drôle. Vince dans la maison. As if you're bulletproof. You mentioned something about a room for two. Oh honey, I do everything for you. Everything for you. You give me butterflies. You feel like paradise. I want you to be my number. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. On a Jordan qui est là. Salut Jordan. Yo, Vince, t'as eu l'équipe. Oh, Jordan est dans la maison. Alors Jordan, raconte-nous mon pote, tu viens réagir à l'antenne là. Qu'est-ce que toi t'as déjà fait de pas cool pour de l'argent là? Les pires choses que t'as pu faire pour de l'argent. Ouais, donc j'ai fait le gigolo. Mais c'est pareil. T'as fait le même truc que... Mais non, gigolo, c'est... Bah, gigolo, c'est prostitué, pareil. Hein. Bah, c'est un peu... Oh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah non, c'est pas pareil. C'est vrai, j'avoue. Ah, gogo, c'est ça la danse, seconde... ouais. Gigolo, c'est la ça seconde gigole, étape. Hein. Tu t'es prostitué, en fait, Jordan. Enfin bon, voilà. Ouais, avec qui, comment, explique-nous. Bah, en gros, j'étais vraiment galère de thunes. Et j'avais une grosse somme d'argent à rembourser à un pote qui m'avait prêté des thunes pour une voiture. Ouais. Et vu que la banque ne voulait pas me faire de prêt parce que je suis trop jeune, ouais. Bah, du coup, bah, j'ai essayé de faire plein de trucs d'eau. Donc, j'ai essayé de vendre de la meuf. Oula, oui, t'as de l'illicite, quoi. Ouais, grave. Et ensuite donc, voilà. Mais ça n'a rien amassé du coup. Du coup, bah, j'étais vraiment dans la merde. T'as pas réussi à acheter un nouveau téléphone, même? J'étais vraiment dans la merde. Et du coup, bah, ils menaçaient moi, ma famille, etc. Du what coup, bah, J'ai vu sur internet une annonce et j'ai envoyé un message. Ok. Et attends, comme ça. Simplement, ouais. Vas-y, quand tu continues, vas-y, raconte. Et bah voilà, ils m'ont dit ok. Donc au tout début, je gagnais au départ 50 euros. Et selon les avis des clients, mon prix, il augmentait et il descendait aussi. Ok. Non, mais du coup, mais c'est quoi exactement gogo danseur? Tu fais c'est quoi? C'est pas gogo danseur, c'est gigolo. Ouais, gigolo, ça veut dire que tu quêtes des vies. C'est putain, quoi. Bah, tu peux de tout. Hein. Femmes qui veulent ou des hommes qui veulent. Voilà, ou des hommes qui veulent. Ouais, mais du coup, est-ce que tu pouvais choisir les gens que tu quêtes? Bah, non, je pouvais me choper un gars de 60 ans, etc. Enfin, c'est pareil, quoi. Ah, ok, tu l'as fait, Jordan? Non, enfin, je. Assume. Il a fait. Je l'ai pas fait, mais lui, il a fait. Assume. J'étais pas là, je me suis désactivé, je me suis déconnecté. Je me suis blindé. Non, mais on est en train de rigoler, mais c'est quand même horrible, Jordan. Franchement, non, parce que tu fais ça pour l'argent, donc tranquille. Et ça gagne bien. Ouais, d'accord, mais c'est bizarre, t'as vu, il passe à l'antenne, il vient nous dire ça, ce mot de ouais, bah tranquille, tout ça pour l'argent et tout. Et quand c'est une meuf qui passe, c'est oh mon dieu, non, c'est pas bien, t'as marrant. Mais c'est grave pas bien. Bah non, attends. Du coup, lui, c'est sûr, il est utilisé du Viagra. Bon, bah non, maintenant il filait un service, tu vois. Mais dis-nous. C'était soit il venait de buter, quoi, truc pareil. Enfin, je sais pas. Ouais, mais tu te mets dans la merde. Hein. Et les amis, évitez de vous mettre dans la merde, visiblement. Mais parce ouais. que vous devez de l'argent à des gens. Si vous avez emprunté à des gens pas très cool, vous avez jusqu'où vous êtes obligé d'aller pour vite trouver de l'argent, quoi. Mais du coup, tu l'as vécu comment? Enfin, maintenant que t'as arrêté maintenant? Bah, j'ai fait ça pendant 3-4 semaines et j'ai gagné plus de 5000 euros. Mais... Ouais, j'adore, il y a plein de gens qui nous écoutent, ils vont se dire mais je vais faire ça, tranquille. Ouais, mais attends, dis-nous. Euros, quoi. D'accord. Et donc, bah, en fait, la somme que je devais rembourser, c'était une somme de 15 000. Du coup, bah, j'étais un petit peu dans la merde. Non, mais donc, finalement, ça t'a pas remboursé le truc, quoi. Finalement, ça a servi à entre guillemets rien. Mais t'as fait quoi? En fait, j'ai refait un autre truc et. En fait, ma grand-mère, elle a un chien. C'est vraiment un chien de pure race, quoi. Donc, t'as vendu chien, d'accord. J'adore. Tu sais, on balance des sujets à l'antenne et on a des réactions de malade. C'est ça que j'aime ça dans cette émission. C'est pas vrai, t'as vendu le chien de ta grand-mère? Il coûte super cher, donc ça un samoyède, là. Un gros chien, il coûte au moins 2500 euros. C'est grave cher, ça. Mais ça se fait pas. Mais attends, mais ta grand-mère, elle a pas capté? Mais elle a la même heure, du coup, bah j'ai. Elle est morte? Attends, excusez-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? J'en peux plus. Non. Quoi? T'as pas capté ce qu'il a dit? Non, j'ai pas compris. Mais il faut écouter cette émission. Mais j'écoute ce qu'il dit. Il a dit que sa grand-mère Elle avait Alzheimer. C'est horrible. Oh putain! T'as marqué des coups par en fou rire, la reine? Elle rigole pas, je vois, elle est pas qu'en fou rire. La reine rigole jamais. Mais bon, voilà quoi. Putain, mec, t'as un bâtard! ça se fait. Non, mais la pauvre! Mais t'as pas pensé au chien, le pauvre? Mais j'en ai encore un petit peu pour la conscience, mais voilà. Oh mon dieu! Oh non, mais. Je sais pas, mais on rigole, mais c'est dégueulasse. Hey, j'ai des larmes aux yeux. Non, mais parce que je m'attendais pas à ce que. Ouais, mais ta grand-mère, elle a pas capté, mais elle a exactement. Oh, je m'attendais pas. C'est horrible. Eh, hey, mais en fait, je suis sûr, elle a acheté une pluche maintenant. Coup, elle s'en est jamais rendue compte, quoi. Oh, Dieu. Mais attends, tu nous salis, là. Le pire, c'est que même quand il rentre chez lui, elle s'en rend pas compte, tu vois. Oh. Il est reparti, elle s'en rend pas compte, tu vois. Dans ces genres de cas, tu sais, tu prends la carte de banque direct, Jordan, tu retires, et puis à chaque fois, tu retires, et puis à chaque fois, tu retires. Non, mais c'est horrible ce que tu dis là. Bien sûr, c'est horrible ce que je dis là, mais voilà, c'est tout. L'humour est fait pour justement dédramatiser des choses horribles. C'est notre métier, les amis. Mais la grave raison, elle va faire quoi avec sa thune? Rien. Parce qu'il oublie, du coup. Du coup, quoi? Vas-y, du coup, ça a même pas remboursé son truc. Quand j'ai vendu le chien, je me suis fait au moins plus de 6 000 euros. Oh, le bâtard. Il valait cher. Oh, mais c'est un fou. Tu vas en enfer. 17 000 euros et j'ai remboursé les 15 000 et j'ai gardé les 2 000 quoi. D'accord, voilà. Okay. Je rappelle que le thème c'était quelles sont les pires choses que vous avez faites pour de l'argent. Je crois que là on a le summum, on a la médaille d'or. Il a gagné. Voilà, donc franchement, vous pouvez donner toutes vos anecdotes sur le WhatsApp. Il n'y aura pas pire que ça à mon avis. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait de pire pour gagner de l'argent? Toi, t'as fait quoi de pire, toi? De pire, il n'y a pas de sous-métier, donc j'ai pas fait un truc que j'estime être un sous-métier. Non, mais pas genre un sous-métier, mais genre t'as un truc que t'as fait qui est ouf. Qui est ouf. Genre malhonnête ou un truc comme ça. Bon, malhonnête. Je vois pas trop. T'as déjà escroqué quelqu'un? Bah si, j'ai travaillé avec des collaborateurs que je payais pas. Mais ça c'était pas ma faute parce qu'il y avait pas de thune, tu vois. Donc du coup on est au courant. Donc voilà, sinon non, je sais pas, j'ai pas vraiment d'idée. Si. Bah oui, mais c'est pas le même truc, c'est on me prête par exemple une console de jeu, on me prête un jeu vidéo et après j'oublie que j'ai ça, le pote oublie aussi que je l'ai et tout ça et après moi je retrouve ça après 2 ans, je me dis bon bah tu sais quoi, je vais les cash converter. Allez hop là. C'est bien la S, tu vois. Moi j'ai fait un truc de ouf, hein. J'ai pris une carte de banque d'un pote, genre une Visa. Non. Et j'ai acheté plein de trucs. Non. Après, je les ai revendus, hein. Mais c'est pas grave. Après, je lui ai dit, ouais, gros, c'est pas moi. Ta carte de banque a été volée. C'est dégueulasse. Quoi, là. Mais quoi, c'est là-bas. Et rangez vos affaires. En tout cas, on salue Jordan. Merci à toi d'être passé à l'antenne, mon pote. Ouais, merci beaucoup. Bah, de rien. Vas-y, fais-toi plaisir. Répète, on a rien entendu. Biguez pas la petite pute Bertin avec l'onde. C'est exceptionnel. On salue ta petite pute Alexandre. Bisous Jordan, à bientôt, merci mon pote. Allez, au revoir. C'est le nom du chien. Merci pour les notes vocales que vous envoyez là, 0492 222 002. Envoyez le numéro à vos potes là, demandez-leur, dites-leur, il se passe des trucs le soir sur Énergie. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Hi, this is Britney Spears. Hey, this is Justin Timberlake. Hey, this is Bruno Mars. C'est David Guetta. Joyeux Noël sur Énergie. Joyeux Noël. Énergie le soir. Oh my God. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. On perd la mesure du temps. On attend, on se dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On se laisse porter par le vent. On sait jamais dans quel sens. Si la route est longue, la vue en vaut la distance. Si on rêvait plus loin. S'arrêter un instant, enlever le gris des couleurs, des sentiments. Envie de parcourir la terre, à l'endroit puis à l'envers. Toucher du bout des doigts nos rêves tant qu'on peut le faire. Si on rêvait plus loin. Si on rêvait plus loin. dit pas maintenant. Mais les pages qu'on tourne s'écrivent dans les tourments. On cherche un passage sans boussole, en dérapage, en survol. On prend les virages, faut coller au sol. Y'a pas de stage, pas d'école. Alors on prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On prend des notes au vol. Les photos de nous qui dénotent, on les décolle. On cherche un passage sans boussole. Et un deuxième check pas ton snap avec Oscar qui a piégé Mathilde. C'est tout de suite sur Énergie, sur les bienvenus. Il est quelle heure là? Il est déjà 22h20 et quelques. Attendez, je rêve ou il va être 22h? 22h22. Oh, ça fait du bien. Oh, c'est agréable. Et vous savez ce qu'il vous reste à faire sur le WhatsApp? Tout le monde envoie 22h22. C'est le chiffre fétiche de Lara. C'est pour ça. Allez, bienvenue sur Énergie. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Bon, Oscar, est-ce que tu es toujours là, Oscar? Je suis toujours là. Formidable. Est-ce que tu vas gagner un Oscar pour le meilleur prank de la soirée? C'est ce que nous allons découvrir. Ou peut-être le meilleur prank de la semaine, on ne sait jamais. T'es pas parti, toi. Oscar, on va jouer au check pas ton snap. Mathilde, oui. C'est ta meuf, tu vas lui envoyer un snap de toi maintenant, dénudé, pas à poil, mais dénudé. En mode. Voilà, t'as, en, ah bah voilà, parfait, il est parti. Sauf déjà, que t'as mis le prénom d'une autre meuf, c'est bien ça? J'ai mis le prénom de. Enfin, j'ai mis le surnom Lolo, qui est mon ex, donc Laura. D'accord. C'est parti, il est envoyé à Mathilde. On appelle Mathilde en direct sur Énergie, et tu lui dis, check pas ton snap. Normalement, elle devrait le faire. C'est un jeu sociologique, je te le précise. J'ai vu, c'est Lolo. C'est parti. J'ai vu, c'est un. Elle m'a pas follow, pas quand je l'ai follow. On fait souvent ce chant. Allez, c'est parti. Allô? Voilà, ils nous entendent plus. Allô, Matt? Allô? Allô, bébé? Allô? Allô? C'est moi? C'est Val, Oscar. Ouais. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, je t'appelle invité. Juste, check pas ton snap, je t'ai envoyé une connerie, enfin, c'est pas pour toi, enfin, bref, enfin, check toi, c'est une connerie, t'inquiète. Mais arrête, il n'y a pas de... Je vais l'ouvrir ton snap, tu déconnes ou quoi? Non, mais vas-y, check pas ton snap, ça sert à rien, ça te fait pas chier. Sinon, ça va? Mais si. Bah ouais, mais attends, c'est quoi? Tu me prêtes, je vais regarder maintenant. Mais non, ça sert à rien, ça t'embête pas. Attends, je te mets vite fait. Ça marche. Sur haut-parleur, 2 minutes. Ça marche à tous les coups. Non, mais regarde pas, enfin, check pas, ça sert à rien. Non, vas-y, sérieux. Mais de toute façon, je vais pas rester avec une notification toute ma vie. Ben non, mais tu le supprimes, c'est tout, tu regardes pas, enfin, on s'en fout, tu vois. Arrête, c'est bon, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, bah, y a non, non, mais sérieux, regarde pas, enfin, genre supprime, c'est tout. Mais non, mais pourquoi t'es avec des potes, vous faites les cons, enfin, c'est bon, tu m'as déjà envoyé plein de conneries, je suis plus à ça près. Non, maintenant. Mais. Non, mais là, c'est une photo avec Jeff. Jeff, il est dans le mal, il veut pas qu'on voit la photo, c'est tout. Non mais arrête, encore samedi soir, il était dans le mal, je l'ai vu en vrai, bon, c'est une photo qui m'a choqué. Attends. Abuse pas, vas-y, abuse pas, check pas ton snap, je te jure, vas-y. Oh, j'ai la notif, ça me fait rigoler. Je vais screen, comme ça je vais lui envoyer, je vais me foutre de sa gueule. Mais non, c'est pas ça, mais il va péter un fond, déjà il nous a pété un fond et tout pour la vie en snap, alors abuse pas. Elle est pas prête. Sexy, ton son, il est rouge. C'est quoi ça? Allô? C'est quoi ce snap là? C'est pas du tout Jeff? Non mais c'est pas du tout Jeff. Mais si, c'est une photo de Jeff. Genre, il est en train de vomir, non? Donc, ok, donc ton snap sexy, ton ensemble rouge, malolo, c'est ton pote Jeff. Ah non, t'as dû recevoir un vieux truc, je pense. Non, parce que. Je t'explique un truc, c'est que ton snap, je sais très bien que là, c'est toi qui me l'as envoyé, et je vois très bien que ce snap ne m'est pas destiné. Non, mais c'est un vieux truc, ça. C'est pas. Non, non, t'inquiète, fais pas attention. Non, non. C'est un truc des mémories qui a dû partir. Arrête déjà, tu fermes ta gueule parce que je suis en train de parler en fait. Je t'ai déjà dit, j'aime pas que tu me coupes la parole. Ah, ça y est, ça mais monte, là, t'es en train. Clairement, tu te fous ma gueule. En fait, tu m'appelles, mais t'as fait juste. En fait, tu veux découvrir ma réaction en vrai, c'est ça? Tu te fous ma gueule. Mais non, ben non, mais je te dis, c'est un vieux truc, c'est parti, ça. Tu m'appelles, ouais ou pas? Tu sais très bien, je vais l'ouvrir. Enfin, si je te dis de pas penser à un éléphant, tu fais quoi? Tu penses à un éléphant. Donc, moi, tu m'appelles, tu me dis pas le snap. Tu crois que je vais faire quoi? Sauf qu'en fait, moi, je suis sûre et certaine, c'est que là, maintenant, t'avais envie de voir ma réaction en vrai, et ben, tu sais quoi? Non, mais arrête. Mais ferme-la, parce que franchement, je sais même pas comment réagir. Parce que là, de ce que je déduis, c'est que si ton ensemble rouge malolo, c'est qu'il est pas pour moi, parce que déjà moi je m'appelle pas Lolo, et que Lolo il me semble que c'est ton ex. Oh putain, c'est Sherlock. Ouais, en vrai c'est Laura, ouais. Voilà, alors pourquoi c'est que c'est ton ensemble rouge, et pourquoi la photo c'est une photo de toi avec la main dans le caleçon? Ton ensemble rouge, mais c'est quoi? La vérité, tu me répugnes. T'es un fils de pute. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Elle est tombée dedans. Non mais t'inquiète, fin, c'est pas. C'est non, c'est un ancien stage, je te dis. C'est parti de mourir. Non, parce que moi, je t'aurais fait ça, t'aurais fait quoi? Tu serais déjà en bas de chez moi, en train de pleurer ta race, là, en train de me sucer les orteils. Mais putain, mais t'es une tarée, t'es une tarée, wesh. Ça te fait rire, en plus. Mais oui, ça me fait rire, t'es une tarée, je t'ai dit, c'est parti des mémories, c'est pas... Enfin, voilà. C'est pas grave, parce que déjà, t'as même pas porté tes couilles. Tu m'appelles, hein, moi, j'ouvre pas le snap, mais... Ah, t'as dit, là, je l'ai porté, les couilles, sur la photo, du coup, j'avais ma main dans le cadre. T'as oublié tes couilles dans la chatte à ta daronne. T'es sérieux, t'as oublié de m'appeler, et voilà, maintenant, tu m'expliques, maintenant, noir sur blanc. Je l'aurais quand même vu, ton putain de snap. Alors, maintenant, pourquoi tu viens pas, tu portes pas tes couilles? Franchement, tu sais quoi, ton snap, là, maintenant, tu vas venir chez moi, on va parler face à face. Et je peux te dire que toutes tes affaires que t'as chez moi, tu vas pouvoir tout récupérer, parce que la vie de ma mère, que t'es un fils de pute, et que jamais de la vie, je veux revoir ta petite gueule de saloperie. La vie de ma mère, j'aurais jamais dû te faire contente. Vraiment. J'aurais jamais dû te refaire. Mais t'es sérieuse là ou quoi? Mais de quoi je suis sérieuse? C'est toi qui es sérieuse, c'est à moi que tu poses la question là? Tu viens, tu dis, c'est un jeu de snap, t'es parti, et toi tu fais attention là. Franchement, ferme ta gueule, parce que la vie de ma mère, je vais t'éclater. La vie de ma mère, je vais t'éclater. Parce que franchement, c'est facile, hein. C'est facile quand ça s'est pas bandé là le soir, parce que t'as trop pissé. Oui, c'est sérieux là? Mais oui, je suis sérieux, c'est toi qui es sérieuse là, de toute façon, déconne, tu te fais pas pour rien. Oh putain. Tu sais quoi, de toute façon, maintenant regarde. J'ai la preuve, y'a pas de souci. Demain, ta petite pétage, je vais aller la voir, je vais lui niquer sa grosse race, t'as compris? Oh. Et toi, c'est même pas la peine de me recontacter. C'est même pas la petite, c'est même pas la petite. Tu fermes ta gueule. J'ai même pas la vie de ma mère que t'es un lâche. Pourquoi tu es un lâche? Mais oui, t'es un lâche, t'es sérieux, pourquoi tu fais des trucs comme ça? Moi, je t'ai jamais rien demandé. Mais ça va, ça pleure pas, je te dis c'est un vieux truc, t'inquiète, ça rien. Vous voulez faire intervenir Lara, elle pleure. Non. Lara, je me rappelle même pas. Non. De pute, ça. Oh, c'est genre une mauvaise manière. Oscar, écoute, elle a raccroché. Alors non, la pauvre, elle s'est mise à pleurer. Et j'adore parce que je dis à Lara, vas-y, interviens, je fais Lola ou Lolo, je sais pas. Oscar. Et au moment où j'entends Oscar, c'est putain, merde, elle commence à chialer. Je lui dis merde, mauvais timing. Alors là, mais qu'est-ce qu'on fait? On continue, on arrête? Moi, je suis d'avis d'arrêter. Moi, je suis d'avis d'arrêter. Non, faut grave continuer. Eh frère, par contre, là, s'il te plaît, je suis malade, je vais partir. Ouais. S'il te plaît, continue. Là, tu es pourri de malade. Oscar, je rêve où tu viens de dire, on continue. Ouais, on continue. Mais ouais, je suis en train de pleurer ta meuf et tu veux continuer. Mais c'est pas grave, j'aurai une meilleure soirée, une meilleure nuit après. Non, bah ouais, bah, peut-être, si tu la connais bien, l'ascenseur émotionnel, tu veux jouer avec ça, mais là, quand même, elle est toute triste. Ah ouais, choquée. Okay. Non, t'inquiète. Vas-y, attends, tu sais quoi, on rappelle, je lis un peu les messages, attends, avant qu'on rappelle, je lis les messages des auditeurs, là, les auditeurs, ils proposent quoi? Continue, elle a cru mort de rire, stop, il y a des larmes, continue, Oscar, t'es un fou, oh là là, le rabaissement qu'elle lui fait, ouais, parce qu'il paraît que t'as difficile à avoir des érections, toi, dans le lit, hein. Ouais, bah, c'est ce qu'elle dit, mais bon, elle dit ça maintenant, mais elle disait pas ça encore hier. Hein. Oh, mais quand t'es bourré, tu te souviens pas. Alors, c'est 50-50, hein. Ça veut continuer, ça veut que ça s'arrête. De toute façon, parole à Nigel, on continue. Mais comment ça, parole à Nigel? T'as vu, ça le guérit. T'as vu, tout d'un coup, il se sort bien. Non, mais quel malheur, des gens, ils se sont en forme. Le mal, ça te guérit. En fait, toi, t'es un aspirateur d'ondes négatives. T'es un Dyson. Grave. Ouais, c'est ça, t'es un aspirateur, en fait. Aspirateur de poussière. Dyson, c'est meurt, mon enfant. enfant. Ah merde. Alors j'ai pas vraiment envie que ça continue. J'ai un peu de la peine pour elle. Mais pareil en fait. Bon attends, on la rappelle. Oscar, écoute d'abord son état et après on avise. Vas-y, on la rappelle. Oscar. Là ils nous entendent plus là. Faudrait qu'ils lui disent pleure, ça fait du bien. Non. T'es sérieux, tu me rappelles là? Ah, bon. Mais oui, je te rappelle, enfin, ça va, pourquoi tu peux t'en faire comme ça? Pourquoi tu m'as raccroché déjà? La vue de ma mère est en train de me monter en pression. Elle est passée de la tristesse à la colère là. Tu montes en pression de quoi? T'es une chaudière déjà de base. Et bah, tu sais quoi? La vue de ma mère, que je suis pas une chaudière comme tu le dis, quand tu me provoques pas. Mais là, ce soir, tu pousses vraiment trop loin le truc, parce que je te jure que c'est la première fois qu'on me fait un coup comme ça, et en plus derrière tu viens la bouche en cœur, mais la vie de ma mère c'est même plus une bouche, t'es en train de faire un trou du cul là. C'est vraiment, nique bien ta race, parce que franchement les trucs comme ça, on me l'avait vraiment jamais fait, et toi tu me dis non t'inquiète, je suis un homme de parole, mais nique ta mère en fait, franchement nique ta mère, t'as même pas de couilles parce que tu viens même pas le dire en face, et tu viens là, tu m'appelles, en plus tu t'en bats les couilles, c'est bon là, tu t'en bats les couilles, ça fait 2 heures que tu En plus, t'es sérieux là? De quoi? Arrête, non, franchement, ferme ta gueule parce que j'entends ta grosse pétasse derrière. Ça fait 2 heures que ton téléphone raccroche là, c'est bon. Regarde, vas-y, regarde. Non, j'ai dit que ça durait 5 minutes. T'inquiète, va fermer ta gueule cette putain là. C'est qui elle? C'est qui? Me dis pas que t'es avec elle en plus. Mais c'est rien, c'est un peu. Mais de quoi c'est rien? Regarde déjà là-bas, tu me dis t'es avec Jess, et là je reçois un snap, nanana, sexy, l'ensemble rouge, déjà cette grosse tarte, elle a intérêt. Déjà de fermer sa grosse gueule. Attends, franchement, tu sais quoi, regarde, un truc franchement. Je vais me doucher. Non, bah va te doucher, sale putain de tes morts, va tes nichons, ils pendent jusqu'à tes pieds, tu veux quoi, sale putain de chien, ta mère, elle aurait dû t'avaler. Ta gueule, ta mère, elle aurait dû t'avaler, sale putain, va. La vie de ma mère, putain, c'est même plus des doigts qu'elle écrit, c'est des mains entières. Franchement, c'est la meuf dont tu m'as parlé, là. Ouais. Ah, ok, bon. Et franchement, tu sais quoi, ça s'entend qu'elle a encore du sperme dans le fond de sa gorge. La vie de ma mère, c'est une chienne. Mais elle parle bien, genre t'as rien fait. Hein. Non, je parle pas bien, parce que tu sais quoi, toi tu fais le gros bâtard, mais franchement, la vie de ma race, que t'es un putain de bâtard. T'es vraiment un putain de bâtard. Elle a une belle voix, ton ex. Ouais, elle a une belle voix, tu sais quoi, ma voix, elle va t'enculer, ça pue. Non, tu veux pas venir, justement. T'es sérieux, toi? Mais j'ai un goût de ceinture dans mon sac. Eh ben, tu sais quoi, c'est bien, tu devrais t'en foutre de leur gorge, je creuse la tête, sale pute. Mais justement, j'aimerais bien que ce soit toi qui me le mette. Ouais, tu vas voir ce que je vais te mettre aussi, grosse putain. Et t'es sérieuse? Mais déjà, pourquoi tu lui reparles alors que tu sais qu'il est avec quelqu'un? Moi, ça m'excite, ça. Ça t'a pas suffi? Non, mais c'est vrai, ça t'a pas suffi de le tromper avec son cousin? Mais moi, je trompe tout le monde, moi, mais je sais pas, je m'en fous. Je suis libre, je suis une femme comme mais ça. Mais tu sais quoi, franchement, soyez heureux ensemble parce que la vie de ma mère. Mais viens nous rejoindre là, parce que j'aime mais bien. Mais ferme ta gueule, c'est toi qui lui as acheté l'ensemble rouge là. Tu me parles pas, Tiki, rends-le-moi, parce que j'ai... Mais tu sais quoi, non. Mais je te le rends après, hein, y a pas de problème. Bah non, tu sais quoi, vas-y, qui reste avec ta race, reste avec lui, parce que franchement, là, vous me dégoûtez. Franchement, vous valez que dalle, vous auriez franchement... Ouais, Mathilde, ça m'énerve. Nique ta race. Non, je m'en bats les couilles, c'est pas trompé. Tu sais quoi, je vais raccrocher, ça sert à rien de me rappeler. Non, ne raccroche pas, attends, ne raccroche pas. On est beaucoup, on est nombreux, avec tes 15 cm, tu vas montrer ta queue devant qui, petit bébé? Mathilde, bonsoir. Je suis un pote à Oscar. Écoute-moi. Ouais, je m'en bats les couilles. Écoute-moi. Je m'en bats les couilles. Ah bah vraiment, écoute-moi. Non, mais vous êtes tous là en train de. En fait, Mathilde, ma gueule. Vas-y, ça va être mieux dans 30 secondes. Raccroche pas, ça va être bien dans 30 secondes. Écoute-moi. Écoute-moi, tu m'entends là, Mathilde? En plus, cette pétasse, elle parle encore d'air. Mais t'inquiète pas, fais pas gaffe à Lolo, Lola, c'est pas grave. Mathilde, écoute-moi, écoute ma voix. Je m'appelle Vince, je suis un pote à Oscar. Mais je le connais même pas. Bah, c'est normal, mais tu vas. Toi aussi, tu trompes tes meufs, là, petit PD aussi. Oh, là, avec non, 10, on est 10 là. On est blindés. On est 10 sur Oscar. On est trop de monde et tout. Il y a même une grosse voix avec nous. 0492 222 002. Ouais, grave. Il y a trop de gens avec nous. Mathilde. Mathilde, t'es dans la maison. Ouais, tu nous as pas vu au Energy Music Awards? Ouais. Non. Tu nous as pas vu? Hey, Oscar, je te laisse l'honneur de lui dire. Dis-lui. Non, là, je comprends rien. Soit vous êtes clair, soit je raccroche parce que ça me casse les couilles. Dis-lui, Oscar. Dis-lui. Mathilde, t'es avec Vince qui est dans la maison sur Energy. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince en podcast audio et vidéo sur l'appli Energy Belgique. Sur l'appli Energy Belgique. Vince, 21h minuit sur Energy.

invitation. Awkward conversation running on low expectation. Every siren that I was ignoring, I'm paying for it. Loving you was young and wild and free. Loving you was cool and high and sweet. Loving you was sunshine, safe and sound, a steady place to let down my defenses. But loving you had consequences. I'm loving you was sunshine, but then it poured and I lost so much more than my senses. 'Cause loving you had consequences. Énergie le soir. Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Brian, on va faire le kiff ta mère, donc on va appeler ton. Brenda. Brenda. Ouais, ouais. Et tu penses qu'elle va péter un plomb, ouais, vraiment pour ça? Oh putain, non, c'est sa mère, faut pas toucher. C'est vrai? Ah, non. C'est parti. Non, c'est ton maman. On l'appelle tout de suite. On écoute ça. Bon courage, Adrien. Allô? Ouais, Brenda. Oui? Ça te dérange pas? Non. Ça te dérange pas, là? T'as deux minutes pour qu'on parle? Oui, c'est moi. T'es isolée ou quoi? Oui, je suis toute seule, dis-moi. Et en fait, comment dire ça? Le problème, c'est... Le problème. Ouais, non, en fait, c'est délicat parce que quand tu vas comprendre, tu vas voir où est-ce que je vais en venir. En fait, c'est bien que, voilà, avec ma femme, c'est fini et tout ça, c'est bien toutes nos histoires et tout ça que j'ai eu, que je recherche quelqu'un pour me remettre ensemble et tout, tu comprends? C'est bien. Ouais. Ben oui. Le truc, c'est ça va pas te plaire, tu vois, parce que j'ai rencontré quelqu'un, tu vois. Ouais. Le problème, c'est que ça va pas te plaire, je crois. C'est ta maman. Ma quoi? Ta maman. Ma mère? Tu te fous de ma gueule. Non, c'est sérieux. Tu te fous vraiment de ma gueule. Non, c'est pour ça que je te... C'est peut-être pas un câble, c'est peut-être parce que... De quoi? Je dois m'en mettre un câble avec ce que t'es en train de me dire? T'es sérieux, toi? Brenda... C'est normal dans ta tête, toi? Ma mère, ma mère, est-ce que tu te rends compte? C'est quoi, ma mère, s'il te plaît? Justement, c'est pour ça que je t'en parle, avant de commencer à aller la parler. T'es pas gêné, vraiment. Ben, on se voit tous les jours et tout, je vais pas commencer à... Mais justement, mais t'es vraiment qu'un fils de pute, en fait, un vrai fils de pute. Je comprends pourquoi... Je prends les choses, mais attends... Franchement. Si je commence à parler à ta maman et tout, tu vas risquer de devenir mon fils de pute et d'autres. T'es qu'un fils de pute, t'es rien du tout. T'es rien du tout. T'as compris? Mais dis pas ça, s'il te plaît. Je dois pas dire ça. Écoute-moi bien, la prochaine fois que tu te pointes devant moi, dis-toi, t'as plus de dents. C'est aussi simple, t'as compris? Tu m'as pris pour qui? Ben, c'est pas toi, justement, que je prends, c'est ta maman. Mais justement, ma mère, en plus, tu le répètes, ma mère. Sans pitié, ma mère. Ben oui. Je parle depuis deux, trois fois par message et tout. Ben oui. Continue, vas-y, enchaîne, y'a pas de soucis. Je préfère te dire la vérité, non? Tu vois les messages dans le téléphone à ta maman, tu reconnais ce numéro, et que tu dis qu'il l'a fait à l'envers. Ouais, écoute-moi bien, t'es un fils de pute, et dis-toi bien que le jour où je vais te croiser, t'as plus de gueule. C'est aussi simple. T'as compris? Parce que moi, tu vas arrêter de me prendre pour une conne comme ça, t'es malade, ma mère, c'est comme si je te disais, je vais coucher avec ton père, je sais pas, moi.

wrong, it's just incidental. My bad, never got the memo that you never have fun while you're in the limo. Yeah, you wanna ride in the six, you wanna dine in the six. And when I lean for the kiss, you said I'll probably send you some pics. And I'm like, hell nah, been waiting too long. I've been waiting. Hell nah, I want that cruel love. Been hell nah, been waiting too long. I've been waiting. Hell nah, I want that cruel love. Body of mine, losing all my innocence. Yeah, body of mine, finding all my innocence. Yeah, body of mine, losing all my innocence. Yeah, body of mine. Minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Pour l'instant. Je suis dans la friend zone. Zone, zone, zone. Bloqué dans la friend zone. Zone, zone, zone. Je suis destiné à me masturber. L'éternité. Pas forcément, puisqu'on appelle David tout de suite. Sarah, je te rappelle le principe de la friendzone. Tu vas avouer tes sentiments, tout doucement, pas tout de suite. D'abord, tu parles avec lui, tu vois. Tu lui dis, tiens, j'ai des sentiments pour un gars, mais j'ose pas lui dire, je devrais m'y prendre comment. Tu demandes un peu conseil, écouter ses conseils. Ouais. Et après, bah, tu peux lui annoncer au moment où c'est le bon moment, quand tu le sens, que t'as des sentiments pour lui et tout ça. Si jamais c'est galère, et genre que le mec, il est pas du tout intéressé, on dit que c'était une blague à la radio. La friendzone, c'est le seul jeu qu'on fait en radio qui n'a pas de podcast en fait, hein, je tiens à le préciser pour pas pouvoir ouais. vérifier, on sort pas de vidéo YouTube, on sort c'est ça, ouais. Sinon c'est la merde. Ça roule ? Ça roule. Allez, c'est parti, on appelle David. Sarah, courage, on coupe nos micros. Génial. C'est parti. On écoute ce qui se passe. Oh, allô. Allô, David. Ah, ça va. Ouais, ça va. Pourquoi t'as pas masqué ? Bah écoute, c'est parce que j'ai emprunté le téléphone d'une amie. Oh. Non, j'ai mis tes messages tout à l'heure, mais je savais pas répondre, hein, parce que je t'ai occupé et tout ça. Ah, oh. D'accord, mais c'est pas grave, t'inquiète. Tu fais quoi ? Rien, je travaille un peu pour ce coup, tout ça. C'est bien. Je voulais t'appeler parce que... Tu voulais me dire quoi ? Je dis toi, ça va ? Ouais, ça va. Je voulais t'appeler, je voulais te demander conseil en fait, à propos d'un truc. Enfin, si ça te dérange pas, bien sûr. Non, vas-y, tranquille. Bah, tu vois, ça fait un moment, je connais un garçon, tu vois. Et je sais pas comment le dire, mais je pense que je l'aime bien, tu vois. Et tu penses que je devrais m'y prendre, comment ? Bah, tu te ferais du dire, hein. C'est quelqu'un que t'apprécies ou quoi ? De quoi ? C'est quelqu'un que tu apprécies beaucoup ? Ouais, quand même. Mmh. Tu m'as jamais parlé de lui, wesh ? Bah, c'est parce que... À moi, là, j'ai mes secrets, quoi. Tu devrais lui dire, hein. Si tu l'aimes bien, tout ça, bah, dis-lui. Ouais, mais je sais pas comment le dire. Par exemple, toi, si jamais on veut te dire, t'aimerais qu'on te dise comment ? Ouais, dans son cas, je dirais que non. De quoi ? J'ai pas compris, je t'entends pas bien. Tu dis ça cash directement. Tu peux me dire cash, tu dis. Bah ouais. Ouais. Bah du coup, en fait, c'est toi. Quoi ? Ouais. Ça va ? Ouais, mais... Pourquoi tu dis ça ouais. comme ça là, c'est très bien, nous ouais. on est là depuis, c'est depuis la primaire, ouais, je sais pas, tu me fais sortir un truc comme ça. Et vous le sentez comment ? Mais, je sais pas, enfin, je t'aime bien, ça fait longtemps, quand même, jamais osé te le dire, tu vois. Dis-le sur WhatsApp, vous le sentez bien, comment ? Bah, je sais pas si toi t'as senti, mais j'ai senti comme un rapprochement, et du coup, je sais pas. Moi, hier, c'était chelou, ça, je t'ai fait la remarque, mais je m'attendais pas à ça, tu vois. enfin pas maintenant, quand ça une fois de nuit voir. Oh oh. Quoi? Ouais. On est potes et tout ça. Enfin, je vais pas dire que c'est mon style, mais enfin. Oh. Ah ouais, ok. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est pas ouais, un truc. Ouais. Enfin, on est potes, on s'en vit de faire au ciné et tout ça. Mais, et du coup, c'est quoi ton truc? Pas toi, pas toi. Oh Dieu! Oh, c'est dur. Sérieux, c'est quoi, tu t'es vu ou quoi? C'est très bien pour mon style. Blague. Mais le mec, il exagère. Oh, il est méchant. Quoi, c'est une blague? Ouais, t'as entendu? Comment ça, je me suis dit? Tu peux sortir comme ça de nulle part et tout. T'attends quoi que je vienne sonner à ta porte et je t'emmène des fleurs ou quoi? Oui. Il est méchant, putain. Il est vexé. Quoi, putain? Sérieux, c'est quoi? Tu ressembles à un pont piquant, là, tu oh dis, tu m'aimes ça, quoi. Vas-y, vas-y, va faire un tour. C'est horrible. C'est quoi, jamais de la vie, j'aurais imaginé ça de ta part. Quoi? D'où je présentais une rousse à ma mère plus tard. Oh, bah tiens, Thibaut. Non, il est horrible. Ok, je vois. Même ta daronne, elle est plus potable que toi. Non, mais le gars, dans la bulle. Tu me dis que toi, là, tu m'aimes ça, mais j'étais folle ou quoi? Ouais, ça va. Vas-y. Dans la pauvre. C'est une blague, et moi. Merde. Oh, il a raccroché! Oh putain, il a raccroché. Allô, Sarah. Ouh, putain de merde. C'est quoi ce type? Ah, alors là, le mec a dit c'est un pote, ça, parce que le gars est chelou. C'est même pas un pote, ça. Sarah, attends. Ça va? Comment tu te sens, Sarah? Pas mal. Écoute, déjà, on va lui dire c'est une blague, comme ça, les choses se calment. Ouais, mais quand même. Mais par contre, c'est un connard, le mec. C'est quoi ses manières de parler? Enfin, je. Ah, moi. Vas-y, on rappelle. C'est parti. Allez. C'est parti, vraiment, en couille. Hein. Putain, je te jure. Et oui, Diego. C'est bon, ça sonne. Alors. Ça sonne. Voilà. Ouais, c'est encore moi. Je veux qu'on parle, là. Ouais. Pourquoi t'es violent comme ça, méchant, je peux savoir? Écoute, parce que déjà, hier, toi, j'avais senti le coup, et là, c'est confirmé, tu vois, donc c'est pour ça que j'ai pété la com. Moi, je m'attendais pas, enfin, je voulais pas que ça arrive, je sais pas pourquoi, mais c'est quand même arrivé, tu vois. Et je sais pas, c'était trop, tu vois, parce que je te dis, on se connaît maintenant, ça fait quoi, on a 25 ans, ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît, depuis la primaire. Voilà. Là, toujours, on s'amuse, tout ça. Bon, après, on a disparu un peu de la planète, mais on est là, quoi. Maintenant, je vais te voir dans la rue, je vais te voir autrement que d'habitude. Mais pourquoi? C'est comme ça, c'est tout. Tu me connais. Mais tu comprends pas, tu peux pas logique, là. Tu veux sortir avec moi, on n'arrive même pas à discuter. De quoi? Tu veux sortir avec moi et j'arrive même pas à discuter avec toi. Comment il lui retourne, d'où, ça? D'où, alors... Tu me proposes des fois, tu me dis des trucs comme ça. Si c'est comme ça, t'as écarté du chemin et tout ça. Jusqu'à tes sentiments, ils partent, ou je sais pas moi, tu rencontres quelqu'un d'autre, mais ne me dis pas des trucs comme ça. Tu crois que les sentiments, ça part comme ça? Je sais pas, disparaît un peu de la planète et tu verras bien que tu trouveras quelqu'un d'autre, je sais pas moi. C'est ultra rare. Disparaît un peu de la planète. C'est tout doux, des trucs comme ça. Là, ça rend vos disparitions, là, pauvre. On dirait qu'il s'est pas agressé, c'est trop drôle. Oui, ils se sont agressés. Non, mais là-bas, on va dire que c'est une blague déjà. On va... Mais si ils se sont agressés, ça veut dire qu'elle est peut-être pas très jolie pour lui. Je sais pas, t'aurais. Alors ouais, non, mais je sais, mais bon. T'aurais été peut-être un peu plus intelligent, tu vois. Tu m'aurais pas dit comme ça, t'aurais pu me dire un peu plus gentiment, lui de m'agresser. Et envoyez vos notes vocales à David. C'était bon comme tu l'as fait, je sais pas, moi. Après hier. C'était le mal que ça me fait. Mais soyez pas vulgaire non plus, pas trop vulgaire, hein, pas déconner. Ouais, bah je suis désolé, point barre, mais puisque ça. Voilà quoi. Puisque ça intervient, sauve-la. T'inquiète, je suis là. Allô. Attends, il y a un petit message. Oh, je crois que Sarah, c'est sa pote blindée, donc c'est sûrement elle. Attends, qui a appelé. Ils entendent pas. On va arrêter là, c'est tout. Ouais, bah, on va arrêter là. C'est moi, je crois que Sarah, c'est sa pote blindée, donc c'est sûrement elle qui a payé le cinéma hier. Ciao, ciao, la famille. Mais Vince, ça intervient, putain. C'est quoi, là? Ah, au niveau fils de puterie, il est dans le soleil, lui. De quoi? Allô? Allô? Vince, le mec. C'est quoi ce truc là? Allô? Ah, attends, je suis là. Allô? Salut, ça va? Ouais, c'est quoi ce truc? Ouais, non, allô, en fait, c'est des messages de gens, mais il y a mon ordinateur qui bug, donc ça plane. Salut, bah écoute, David, je suis un pote à Sarah. En fait. Ah bon? Ouais, je suis un pote à Sarah et Sarah voulait t'annoncer un truc. Vas-y, dis-lui, Sarah. C'est Énergie. C'est une blague. C'est une blague. Et ouais, donc en fait, elle n'a pas de sentiment pour toi, clin d'œil. Elle n'a pas du tout de sentiment pour toi, gueule. Voilà, qu'est-ce qui se passe, David ? On t'a senti bien méchant, là, avec ta pote Sarah, qui ne t'aime pas du tout, qui a un... Voilà, tu vois ce que je veux dire. C'est normal, c'est très bien de ne pas me faire des trucs comme ça. Mais enfin. Ah bon, ouais, ça veut dire que si elle avait des sentiments pour toi, tu réagirais comme ça. Tu lui dirais qu'elle est moche. Que... C'est très bien. Non, mais bon, c'est parce que je t'énervais. Mais et pourquoi est-ce que ça t'énerve qu'elle ait des sentiments pour toi? Sois gentil, putain. Elle peut pas en avoir, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Justement, ça fait 20 ans que vous connaissez. Ah, bah bon, c'est pas comme si c'était le cas, parce que c'était une blague, n'est-ce pas, Sarah? C'était une blague. Mais oui, bien sûr. Voilà, on récupère le truc, c'était une blague. Oui, bien sûr, c'était une blague à la radio sur Énergie. Mais bon, David, admettons, si jamais un jour elle t'avoue, quelqu'un d'autre avec laquelle t'as une personne avec qui t'as la même relation que Sarah, mais dans ce genre de cas, il vaut mieux. Voilà, être gentil, être tolérant et être respectueux. T'as dit un truc genre disparaître de la planète. C'est horrible de dire ça. Ouais, c'est grave horrible. Mais en plus, le mec, genre, depuis tout à l'heure, il a dit des trucs hyper méchants, wesh. Ouais, ouais, complètement. Mais putain, bah, là, j'ai perdu, là. Je l'ai perdu, malheureusement. J'ai perdu David. Attends, mais ça te fait pas mal, genre, ce qu'il t'a dit? Bah, si. Évidemment que ça me fait mal. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu penses que tu vas continuer à l'avoir comme pote? Parce que le problème, c'est que, même en sachant, disons que c'est une blague ou c'est pas une blague, indépendamment de ça, t'as vu comment il t'a parlé? Ouais. Bah non, on parlait comme des psychologues là. C'est bon, t'as récupéré. Bah parce que c'est un peu notre taf, hein, mais en même temps c'était une blague. C'est pas des psychologues, mais c'est toi, ouais, t'es pas très psychologue même, justement. On parlait comme si vous étiez des psychologues ou quoi. Mais comme si on était des psychologues. Bah t'as un peu la haine en fait. Mais c'est ça, t'as l'air d'être nerveux. T'es grave nerveux pour rien du tout. Dire des trucs comme ça là. Bah comment c'est pour dire des trucs comme ça? Mais David, attends. Elle a tout à fait le droit d'avoir des sentiments pour toi. Enfin, je veux dire, c'est une blague, mais si c'était vrai. De toute façon, vous êtes tous pareils. Toi, c'est flag. Toi aussi, t'es une fragile comme ça, donc. Oh là là là. Mais il y a aucun problème. Si être amoureux, c'est être fragile, bah je préfère être fragile alors, et je n'ai pas envie d'être comme toi. Alors bon, David, on m'a envoyé beaucoup de messages pour toi, hein, David. T'as l'air d'être en colère dans ta vie, David. Ouais. M'a envoyé ça. Hey, t'es sur Énergie, espèce d'enculé. Ouais, bon, doucement quand même. Hein. Et pour ce type, tu te mérites même pas, c'est une blague. Voilà, qu'est-ce qu'il dit, Zach? Il a allumé le mec. Calme-toi, poteau. Calme-toi, reste zen, cool. Mais c'est vrai, quoi. T'as l'air d'être un peu haineux, là, sur les bords. Ça, c'est tout des toxicos, là. Calme-toi, putain. Réveille-toi, wesh. Attention, commence pas dans ce jeu-là, sinon tu vas te ramasser des messages. Ah, je suis sûr qu'il aime bien les bêtes, lui. Voilà, merci. Comme ça, ouais. Et Jules, il me dit quoi? Toxico toi-même, connard. Alors, on nous dit, Vince, il a trop confiance. En fait, le type, il est gay, il prend dans le health. Ouais, bon, bah non, en même temps, il fait ce qu'il veut. Hein. Bon, écoute, David, de toute façon, c'était une blague, de toute manière. Ouais. Mais tu m'as l'air d'être un peu fâché, un peu méchant comme ça. Donc c'est normal. Mais non, c'est pas normal. Non, c'est pas normal. Il faut calme-toi, relax. Donc, moi, je vais continuer à parler encore. Quoi, t'as dit quoi? Pourquoi la moche là chez vous? Mais toi, t'es. Attends, mais en fait, c'est j'ai compris, voilà. Ouais, il aime pas les femmes. C'est un gros macho, t'aimes pas les meufs. Il y a un problème, t'as un problème avec les meufs. Shit. Non, mais attends, mais dis-le, David. J'ai l'impression que moi, tu me dis rien, Nigel, tu dis rien aux gens autour de la table. Mais à Lara, dès qu'il y a une meuf qui parle, ça y est, ouais, tu clashes. Je voudrais savoir un truc. Sarah, quand vous faites des sorties, Sarah, c'est toi qui payes d'habitude ou c'est lui? Pardon? Quand vous, je sais pas, vous avez été au cinéma, genre, est-ce que c'est toi qui payes au cinéma? Parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il. Bah, c'est chacun sa place, quoi. D'accord, ok. En tout cas, Sarah, tu tombes love de mec qui respecte bien la femme, disons. Incroyable. Bon, ah, David. Une blague. David. Bon, Sarah, c'est que tu vas plus m'appeler. Hein. Comment ça? Mais putain. Non, mais franchement, il vaut mieux qu'elle l'appelle pas. Eh, hein. Mais alors là, putain, mais comment c'est ils ont pu m'en 20 ans? Les moches, ça, c'est incroyable aujourd'hui. Mais oui, la moche, elle t'emmerde. Non, mais attends, David, il y a trop d'ondes négatives là qui sont en train de planer là. Non, mais par contre, relax, où ça? Il sait pas de qui il parle mais et. Non. Mais surtout, tu peux pas avoir autant de haine envers une personne que tu sais que même tu pas qui ans. C'est. Mais même, en plus, il dit, genre, moi je m'en fous, que tu dis, je suis moche, j'en ai rien à battre, mais tu dis moche comme elle. Donc tu redis encore que ton amie, ta pote de 20 ans, tu dis qu'elle est moche. Tu te fous de nous, quoi. C'est plus mon ami, c'est fini. Franchement, mais il est trop bizarre. Eh, hein. Mais t'es chelou, hein. Ça se fait pas de dire des trucs comme ça. Moi, je suis grave d'accord avec lui, wesh. Tu fais des blagues, là, à 11h du soir, là, chez les folles, quoi. À minuit, même, j'ai envie de te dire. Mais voilà, c'est tout. Elle voulait taquiner un petit peu. Maintenant, tu t'es méga hardcore, t'es méga négatif comme gars. T'es toxique, un peu dans le genre, là. Enfin, bon. C'est pas grave, écoute, on va pas le changer. Je me dis, je suis sûr qu'il est moche comme un camion. Franchement, il est moche aussi. T'as dit bah quoi? Ouais, mais on change pas les connards. Mais toi, David, t'aimes vraiment pas les meufs. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas bon, si t'as. Ma bande de Tarlouze, je vais vous laisser. Hein. Oui, d'accord. Allez, salut. Il est génial. Allez, bisous. Ciao, ciao. Vas-y, nous, on raccroche. Merci, au revoir. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Oublie les mots d'amour. Oublie les mots doux. Oublie les beaux discours. Pour tirer ton courage, c'est pas ton jour. Ta drague de mauvais goût, j'en ai fait le tour. Tout cru. Si tu flanches à la vue d'un bout de tissu, si à mater mon cul, tu perds la raison. Revoyons du début quand je dis non, c'est non. Oublie-moi et bye bye, tes mains déplacées. Bye bye, je n'en veux pas. Bye bye, ton air affamé. Regarde-toi, non, mais t'as quitté. Peut-être que t'avais tous les droits. T'as quitté la planète, gâché la fête, car mon cœur est en moi. C'est comme ça qu'on va traiter ta sœur, ta sœur. Et ta fille. Et ta mère. Toutes celles qui sont les seules. Et nous y sommes. Plie les mots d'amour. Lara qui va piéger Dominique Godembois, c'est tout de suite sur Énergie. Vince dans la maison, c'est les meilleurs moments pendant les vacances. 21h minuit. 21h minuit. Du lundi au vendredi. Du lundi au vendredi. Vince. Vince est sur Énergie. Allez, bon courage Lara. Mais on coupe nos micros, nous. Hop. La musique. Voilà, t'inquiète pas. Oui, allô. Oui, allô, bonsoir. Dominique, hein? Dominique? Que ce chef vous appelle de la part de mon beau-frère? Que c'est dit que. Ah, c'est qui, oh? Carmela. Ici, c'est Carmela. Soy Carmela et je t'appelle parce que le beau-frère m'a dit que tu cherchais le boss, la bois. Ouais, non, nous, on s'occupe de bois. Hein? C'est ce qu'il m'a dit? Comment ça marche? Alors, je t'explique, hein, Carmela. Nous, on est des vide-greniers, mais on s'occupe principalement de tout ce qui est bois de pérampis. Donc, toi, de pérampis? De pérampis. Une maison? Quoi? De pérampis? Je ne sais pas comprendre. Hein? T'es étranger? Si, claro que si. Tu parles français, toi? Et tu m'entends, je parle français un petit peu, mais voilà, c'est mon beau-frère qui a dit que tu cherchais les bois. Si, si, je comprends, bien sûr. Si, je n'ai pas compris, parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Soraya, allez, si, change de string. Ah. C'est pas le bon, tu sais bien. En fait,

Avec des choses très importantes, c'est aussi du bois. Mais ce que les filles ont utilisé, c'est qu'elles faisaient les striptease personnels solo. Tu vois quand les filles vont dans la chambre tout seul avec les voilà, infos de boutasse. Ta vie est marrante, tout ce que tu veux, ça m'intéresse à moitié ce que tu dis. Attends. Maman, voilà, moi je pensais que c'était en Belgique. Ils sont utilisés, écoute chérie, querido, écoute-moi. Ils sont déjà utilisés, mais tu vas pouvoir vendre ça, peut-être en Chine, peut-être sur Amazon. C'est des petites choses comme ça, avec des tailles différentes. Que tu peux les, si tu veux, tu peux les faire un petit copeau, tout mais ça. Tu fais... là, j'ai pas envie d'être impoli, j'ai pas envie de raccrocher, t'es gentil, c'est tout ce que tu veux, tu vois. Mais moi, je suis pas intéressé. Hein? Écoute, chérie, tu sais ce qu'il y a dans cette cave? Des choses avec très importantes, peut-être tu peux donner ça à ta sœur, à ta belle-mère, à ta cousine, mais à ta fille. C'est des... pas, et ça, des godas de bossos. Quoi? C'est des godas de bossos. Ah, je comprends pas ce que tu dis. Des godas. Des coquines, des godas. Comment tu dis ça dans ta langue, godas? C'est pas le saussure, hein? Je sais pas. Hé, chou. Hé, t'as envie de parler ou quoi? Écoute, je vais pas parler, je veux que tu écoutes. Tu du cul, toi. Il est sexy, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, moi, ça m'intéresse pas, hein. Voilà, écoute, les godas. Les godas, peut-être. Attends, je vais regarder sur Google. Je vois, c'est parce que je prononce pas bien ça. C'est menaçant, c'est pour ça que c'est la Cuba. Attends, ça se dit God and Boys. God. Attends, je vais demander à Google Traduction. God and Bois. J'espère que t'as pas dit ce que je pensais que j'allais dire. Hein. God and Bois. Ah, c'est God and Bois. Et c'était God and Bois. Votre petit péril, là, vous engagez même des gens étrangers. Et pourquoi tu crées comme ça? Votre fils de pédro. Arrêtez d'emblée. Ah, ça le comptage, c'est pas. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast, j'adore. Audio et vidéo. J'adore. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Ah mais je peux pas m'en lasser, sérieusement. Bon, pour la suite, Olivers, Dinoro, c'est pour la musique là. Et BBG connaît Victoria qui piège Jonathan avec Nigel qui rentre dans un rôle. Bah, un rôle qu'on adore. D'ailleurs, faudrait qu'en 2019, ça revienne plus souvent. Hein. C'est Charisma. Charisma, c'est qui? C'est quoi? Eh ben, c'est une meuf de chicha. Voilà, c'est comme ça que Nigel appelle Charisma, une meuf de chicha. Vous allez entendre ça, ça va partir en sucette. Rien que de repenser. Enfin, parce que voilà, Dominique, il m'a fait rigoler. Je l'ai écouté là. Il m'a fait rigoler. Et puis, avec Charisma, ça va être magique aussi. Check-moi ton snap. Le troisième de soir, c'est Johan qui piège Tracy. Ça va arriver tout à l'heure là. Allez, soyez bienvenus. Profitez-en bien de cette dernière demi-heure. Elle va être explosive. Et profitez-en bien parce que ça va être le week-end. J'espère quand même que parmi tous ceux qui travaillent et qui bossent pendant la période des fêtes, je pense vraiment beaucoup à vous et qui étudient pour leurs examens. Bah, j'espère quand même que vous avez profité de votre week-end. Là. Dis-nous ce que vous allez faire sur le numéro WhatsApp 0492-222-002. Vince, 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Sur Énergie, on vous joue vos hits préférés, sans s'arrêter. Dans la playlist Énergie. Chaque jour à 9h et à 20h, c'est vous qui programmez. Vous qui décidez. Vous choisissez les hits de votre radio préférée. Les hits Énergie, c'est vous qui les choisissez. Créez maintenant votre sélection musicale gratuitement sur énergie.be. La playlist Énergie, inspirée par vous. Standing here in an empty room, I saw you there and my blood ran cold. Take me back to the long September, don't know how I ever let you go. I was young, didn't know about love, you were wild, couldn't get enough. Gave my heart to another lover, don't know how I ever let you go. Find me another place and time, if only, if only.

j'adore, mais je kiffe. Mais attends, il n'est pas du tout pour, hein. Mais vraiment pas. Il y a même pas un petit. Une histoire côté, de. Non, mais du coup, laisse-moi peut-être négocier avec lui, tu vois. Attends, vas-y, vas-y, Charisma, t'inquiète pas, on rappelle. Ma mère. Victoria, on s'en occupe, ok? Ok, ça va. Vas-y. Allez, vas-y, go, Charisma. La vie de ma mère, je Allô, Jonathan. Allô, Jonathan, calme-toi, frérot, calme-toi. T'es qui, toi? Allô, calme-toi. Eh, fais pas le houchène, voilà, la vie de ma mère. La vie de ma mère. Eh, fais pas le houchène, je vais cramer mon charbon de chicha sur ta tête, là, vas-y, tranquille. Oh, tu vois la chicha, je vais te la mettre, donc, qu'est-ce que tu veux, ton gueule. Non, eh, tranquille. En fait, Victoria, elle voulait pas te dire, tu vois. Mais l'autre jour, on est parti en chicha avec Karim, tu vois. Il a essayé de lâcher Bran et tout, genre, il lui a montré un tuyau de chicha et tout, tu vois. Avec Karim. Ouais, Karim, tu vois, genre, il a pris de la chicha. Oui, il a vu de ma mère, hey, il nous a mis le bâton entre sa chatte et la mienne. La tête de Wam. Tu vois, toi, Eviki, et fils de pute de Karim, j'ai remettre tous les trois dans la cave. Jonathan, sois pas jaloux, frérot. Tu prends le charbon de chicha, tu le mets la sur ta tête. La tu tires la vie de ma mère. Attends, tu fermes ta gueule. Le sang de Ouyou, vous êtes mort, la vie de moi. Vous hey, ta daronne, elle a trois têtes, on reste tranquille, frérot. Reste tranquille. Hey, parle pas des darons. La vie de moi, papa des darons sont là. Eh hey, non, mais elle a une mère. Eh, maintenant, Victoria, elle aime que les fameux. Toi, elle t'aime pas. T'as un mec, en plus, t'as une petite bite. Elle m'a dit, même le tuyau de chicha, il est plus grand que ta bite. Allez tous vous faire foutre. On va le rappeler. Et il est vénère le mec. Il est pas bien. Et vos réactions 0492-222-002 là. Et Victor a dit que t'aimes les tuyaux de chicha dans ta tête. Hey Nigel, ta mère a trois tétons. Non, c'est vous là. Putain, tu as bien fait ton mère. Jonathan, reste tranquille, là. Une mère là. Une mère. Oh, hey Victor, oh, vas-y, dis-lui comment on s'enfonce ces tuyaux de chicha dans le cul. La vie de ma mère, tu vas me faire péter un câble, je vais rêver tout le monde dans la maison. La vie, commence pas à me faire crier. La vie de ma mère, commence pas à me faire crier. Non, mais, hey, Jonathan, si t'arrives à allumer ta meuf comme un charbon, la vie de ma mère, elle serait restée avec toi. Vicky, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu me fais comme ça, Vicky? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh, mais si tu veux, attends, Victoria, ta gueule, frérot. Eh, si tu veux, Jonathan, tu peux grave commencer à sucer nos tétons, essayer de sortir de la fumée. Passe-moi Victoria, Hey, Victoria, dis-lui que dans nos tétons, il y a grave de la fumée de dragon qui sort. La fumée à la menthe. Écoute, bébé, j'ai pas rien, j'ai déconné, mais je préfère. Mais pourquoi tu préfères moi? Pourquoi? Je plais pas bien, Mais non, mais tu veux quoi? Dis-moi tout. Non, mais Jonathan, tu comprends grave pas, parce qu'en fait. Victoria, elle m'a dit quand elle suçait ton tuyau, il n'y avait pas de fumée qui sortait. Elle était grave jalouse. Tu vois, moi, direct, tu tires sur mon tuyau, il y a direct de la fumée. Mais Victoria, t'as cru que t'étais une blinde ou quoi? Mais Victoria, c'est pas moi. Moi, je m'appelle Charisma, t'es un fou, quoi. T'es qui, non, mais elle ferme ta gueule, je vais appeler Karim et tout, ils vont venir te voir, hein. Mais la fille de moi, t'es qui, toi? Oui. Non, mais et moi, je vais te dire, je vais me tourquer, je nique ta mère, hein. T'es fou, quoi, hein, Jonathan, là. Une ma mère, hein. Là, oh, yo, putain. Allez, oi, oi, oi. Oi, oi, oi, oi. Bientôt je les canne, tu es avec quand on fume. Oh là là, hey, c'est chaud du nom ce soir là, qu'est-ce qui se passe? Victoria? Oui. Il est merveilleux. Il est magique. Il est magique. Et Nigel, on nous dit, tu déchires tout, Nigel, tu nous fais rigoler là. Bon, on va lui dire que c'est énergie quand même, on va lui dire que c'est énergie. Voilà. Bon, on le rappelle? Ah, vite ma mère. Bon, Charisma, tu t'y recolles. Hein. Vas-y, vite ma mère, c'est parti. Ça va finir autour de trucs de base, cette histoire. On y va. Allez. Ça sonne. Jonathan, avec ma mère, elle te ferme fragile, oh, vite ma mère. Tu pleures, wesh, tu veux des doliprane ou quoi? Vas-y, putain, wesh, elle va me tromper tout. Vas-y, non, là, vite ma mère, attends, je vais t'expliquer, Jonathan. Non, ça va aller. En fait, vite ma mère, vite ma mère, elle t'a pas. Mais, je suis pas un fils de pute, hein, là, une ma mère, t'es un ouf. Je veux dire, c'est une blague, mais là. Attends, mais en fait, regarde ce que tu fais. Et pour la convaincre. Je n'ai pas envie de parler, vas-y, bouge-moi. C'est une blague. Oh non, mais non, on lui dit que c'est énergie. Attends, Victoria, on arrête là. On non, non, énergie. Non, continue. Je te jure, on lui dit que c'est énergie. Elle est, mais comment tu peux être morte de rire comme ça, toi? Mais attends, il faut lui dire. Faut lui dire, attends. Ouais. Ah, toujours un but. Eh, on lui dit ou pas là? Vous choisissez sur WhatsApp. Non, ouais. Victoria. C'est qui toi, je te connais à pas vite. Mais non, Jonathan, si tu veux, tu peux jouer avec mon tuyau. Et ma mère. Eh, ta daronne, elle a déjà joué avec mon tuyau. Elle m'a dit, elle avait apprécié ton daron, il était grave deg. Oh putain, non, non, non, non, elle est excitée, toi. Dis-lui que c'est énergie, merde. On va lui dire, attends. Vas-y, je dis que c'est énergie, Tourcoing. Non, on va lui annoncer. Véronica, pardon, Victoria, dis-lui. Chut, ça va décrocher. Ouais, allô. Ouais, bébé, c'est moi. Tu veux quoi? Pourquoi tu pleures? Ouais, je me trompe là et tout, je me pose des questions. Tout va bien. Pourquoi je te prends avec toi? Pourquoi tu rigoles? Dis-lui. Lui. Dis-lui. C'est une blague, hein, t'es sur énergie. Énergie pour quoi, ma gueule? Retrouvez les meilleurs moments de Vince. Retrouvez les meilleurs moments de Vince. En podcast audio et vidéo. Sur l'appli Énergie Belgique. Sur l'appli Énergie Belgique. Exactement, ici pour toi, l'émission du soir, t'en as un croc avec ta famille, c'est ta team, c'est ton squad, c'est tes Power Rangers. Eh ben, je t'invite à me suivre sur Instagram, Vince Radio, V-I-N-Z Radio. Sur Facebook, vous êtes 323 000 sur Facebook, je sais pas comment c'est possible, mais c'est le cas. C'est Vince, tout simplement, V-I-N-Z. Et puis, merci encore une fois pour votre fidélité le soir, même en période de vacances. Vous êtes là et ça fait plaisir. Merci à tous les nouveaux venus sur le numéro WhatsApp 0492 222 002. On se donne rendez-vous, non pas demain samedi, non pas dimanche, mais bien lundi dès 21h pour encore les meilleurs moments et puis retour de toute l'équipe en direct et en forme à partir du 7 janvier. Quoi que vous fassiez ce week-end, faites-le bien, c'est votre dernier week-end avant 2019, donc pensez à faire des choses utiles, des choses magiques, des choses qui vous font kiffer. Et quoi que vous fassiez, faites-le bien. Bisous tout le monde, à lundi, ciao ciao, peace. Vince revient lundi dès 21h. Voilà, bon, ok, bye bye. Sur Énergie. Sur Énergie. And you're listening to Énergie. Il est minuit sur Énergie, bienvenue, moi c'est Tiffany, on est parti ensemble jusqu'à 4h du matin dans l'émission Club de Référence en Belgique. C'est Extravagance qui commence maintenant avec évidemment les DJ résidents qui vont vous mixer les meilleurs hits énergie pendant 4h. Alors j'espère que vous avez bien fêté Noël, le réveillon en famille avec la dinde ou alors la raclette. Moi je peux vous le dire, hein, je me suis régalée avec le fromage suisse. Et puis les cadeaux, on a tous été gâtés, n'hésitez pas à me dire, à me donner des nouvelles ou à m'envoyer des photos, hein, sur les réseaux sociaux Snapchat, Instagram et Facebook pour nous rejoindre. C'est Énergie Belgique. Et puis on va rester dans le thème des cadeaux puisque j'ai des places pour vous aller à la Icebox Party à Liège. Alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un peu le même principe qu'en été pour les Beach Box, sauf que là ce sera en hiver, voilà. Le nom l'indique, hein. Bon, 17 jours dans le thème de la neige avec tous les jours un concept différent. Vous pouvez déjà envoyer le code BOX par SMS au 78, c'est 1 € par message envoyé et reçu. Box, 3 lettres, hein, très simple, B-O-X au 78, 1 € par message envoyé et reçu. Là, c'est Vince qui se met au platine, il se prépare et j'ai l'impression qu'il va rester un petit peu dans l'ambiance de Noël. Montez le son, ça commence maintenant sur Énergie. Yeah. Oh, you know.

me comporte comme avec mes potes, yeah. Dis-moi où t'es, je me téléporte, ouais. RDV, j'arrive en sport, ouais. Fais ton truc avec tes paupières. Me comporte comme avec mes potes, ouais. Si tu m'en fous, c'est parce que t'es folle. Tu réponds même plus au téléphone. Tout ça parce que je rentre pas dans les codes. J'ai peut-être pas été à bonne école. Tu fais pas d'efforts, tu fais la chiante. Je t'offre un bouquet, tu le jettes dans les chiottes. Arrête ça, t'es pas belle quand t'es méchante. On en reparlera dans la chambre. Tu connais mon pédigré, pourtant t'es la première à me dénigrer. Ouais, on se prend la tête pour des bêtises. Tu fais l'actrice, tu fais du cinéma, please. Arrête de faire ça, t'es vraiment pas belle quand t'es triste. Tu veux pas que je te prenne pour acquise. Non, mais tu veux que je garde les keys, yeah. Dis-moi où t'es, je me téléporte, yeah. T'es maquillé, j'arrive en sport, toi. Tu fais ton truc avec tes paupières. Je me comporte comme avec mes potes, yeah. Dis-moi où t'es, je me téléporte, ouais. RDV, j'arrive en sport, toi. Fais ton truc avec tes paupières. Je me comporte comme avec mes potes, yeah. Dis-moi où t'es, je me téléporte, baby. L'intelligence et le physique mélangé, c'est interdit, nah. Et combien d'hommes tu as étourdi. Mais t'as pas confiance en toi, c'est toi là que je te le dise. Commence par te sortir de la tête qu'il faut que tu trouves l'homme de tes rêves. L'homme de tes rêves est devant toi et ma chérie, c'est lui qui te cherche. Je n'entends même plus tes mots, mais je suis focus sur tes lèvres. Je peux te marier dès ce soir pour qu'on travaille sur ma relève, oh. Dis-moi où t'es, je me téléporte. T'es maquillé, j'arrive en sport, toi. Tu fais ton truc avec tes paupières.